Ah oui, mais Snake, de toute façon, il a toujours le chic pour faire ça. D'ailleurs, suivez-le sur Snapchat, il fait des snaps de ouf, Snake. Oui, elle arrête pas d'essayer de le tweeter et tout, mais il lui répond jamais. Pauvre fille. Il t'a jamais retweeté. Non, même pas un favori, mec. Tristesse absolue, hein. Alors qu'il le fait avec toute la famille Fun Radio. Mais pas Anso, ça ne veut pas. En tout cas, il est temps de vous présenter cette équipe qui est avec nous comme chaque soir jusqu'à minuit avec Amir des réseaux sociaux. Bonsoir, Amir. Amir, mais Marion, mais Anso, mais qu'est-ce que vous m'avez manqué. Oh là là, tu sais que t'es beau, bichon. Ouais. Ah. T'es bronzé et tout. Bah si, on est tous bronzés. On est tous beaux, faut le dire. Ouais, moi j'ai perdu un peu. Bon, Amira, oui. Avant de nous raconter tes vacances, de nous parler des réseaux sociaux, tout ça, j'ai envie de savoir quel est ton pronostic. Est-ce que tu penses, toi, parce que tu n'es absolument pas au courant, je vous jure que c'est non, vrai. Non, c'est vrai. Est-ce que Anso a pécho? Et si oui, je veux des détails. Est-ce qu'elle a juste roulé de la pelle? Est-ce qu'elle a couché? Est-ce que c'était un? Est-ce que c'était deux? C'est quoi ton pronostic? Allez, Miro, dis-moi. Alors, moi j'ai une idée bien faite. Je pense qu'elle a presque chopé un gars, qui se sont embrassés, ouais. Mais qu'elle avait ses règles. Du coup, ils ont rien fait. Mais Amir, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Alors, je peux te le dire déjà, c'est pas ça. Voilà. Hein, on va pas partir là-dedans. Non, il n'y a pas d'histoire de règles. Tout va bien. C'est bien, au moins à 22h09, le quota règle est passé. C'est noté. Amir, t'as suivi un peu les réseaux, évidemment, Marion et Anso partout cet été. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pas mal de choses, mais comme par hasard, à chaque fois, ça tombe toujours quand on n'est pas là. Oui. Mmh. Mais bon, d'abord sur Facebook, sur Twitter, bon, bah, ça pète hein, dans tous les sens. Mais surtout sur YouTube, on a dépassé un cap, c'est qu'on est à plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Bravo. Ah, ça, c'est charmé. Ah bah là, on a plaisir. Franchement, merci, c'est grâce à vous. On est à 110 000, c'est énorme. Les gars, on est à 110 000. Ça veut dire qu'on va avoir le petit cadre. Donc on va pouvoir se faire la fête du cadre bientôt. Ah bah explique, c'est quoi? C'est un bouton YouTube qu'on reçoit aux 100 000, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un espèce de, c'est le logo YouTube dans un cadre aux 100 000. Ouais. Si je me trompe pas, ensuite on le reçoit aux 100 millions. Au 1 million d'abonnés. Au 1 million d'abonnés. Et ensuite c'est aux 10 millions d'abonnés. Excusez-moi, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'est la fête du cadre? C'est le cadre YouTube et tu fais une fête. D'accord. Bon bah écoute, vous serez conviés à la fête du cadre. Bon, il faut qu'on vous présente un petit nouveau aussi qui rejoint l'équipe. Oui. Qui remplace Mano Alaria qu'on embrasse. Oui, il est parti. Désormais, il est parti de son plein gré. Oh bah oui, on n'a rien fait. Et bien désormais ce sera Thibaut Alaria. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Salut. Alors lui c'est un Thibaut, il faut qu'on vous le décrive. Il ressemble à Sid de l'âge de glace. On va vous mettre une photo sur les réseaux sociaux. C'est le même gars. C'est très méchant. Bon, il est mignon, Sid. Oui, mais il y a des airs. Il est tout enjoué comme lui et tout. Franchement, il est aussi con que lui. C'est le même. Je rigole. Thibaut, c'est un amour de garçon. T'as envie de lui faire des câlins tout le temps. Il est trop chou, quoi. Et j'adore les câlins en plus. Donc, franchement. Et Thibaut, on va dire la vérité. T'es stressé comme pas possible ce soir. Ok, j'ai les mains moites. Oui. Je me sens pas bien, mais je suis super content en tout cas. Bon, s'il y a des looses, si vous entendez des sons qui partent mal et tout ça, c'est Thibaut. Dites-le nous. Nous le licencierons. Voilà. Également au standard, bien sûr, Enzo, hein, qui est toujours là. Bonsoir, Enzo. Salut les filles, salut toute la France, vous m'avez manqué. Ah, voilà. Toi aussi, bichon. Vous trouvez pas qu'il est beau, Enzo, franchement? Bah si, il a fait de la gonflette. J'ai fait un peu de gonflette, un peu de boxe, un peu de surf, tout ça, quoi. Il est gaulé, hein, maintenant. Ouais, j'essaye. Il est pas mal. Et il y a Pépère aussi qui est là, qui nous a rejoint. Alors, Pépère, juste, je vais le resituer avant que tu choques la France. C'est le personnage complètement trash de l'émission. Il a absolument aucune limite. Il est tout ce qu'il faut pas être. Et surtout, il est très nul en impro. Ça va, Pépère? Oui, ça va super. Les filles, j'ai une blague pour la rentrée. Oh là, c'est quoi? Alors, comment s'habille un enfant pour la rentrée? Ouh là là. Eh ben, il s'habille bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, à mon avis, il voulait aller y partir beaucoup trop loin, mais il est beaucoup trop tôt, je crois. Non, ouais, c'est ça. Trop tôt, ouais. Avec, il va falloir que tu progresses pour les autres pépères qui arrivent là. Hein, oui, t'en on va essayer. Je vais l'entraîner, pépère. On va aussi faire un gros bisou à toute l'équipe qui est dans l'ombre et qu'on embrasse très fort. Il y a des nouveaux qui nous ont joints aussi. Bisous à Yannick qui vous accueille avec Enzo au standard, à Alexis, notre graphiste, à Béric, notre auteur. Pas facile ce prénom, hein. Faut qu'on le renomme, la personne. Hein. Et à Jérôme Sopin, toujours à la production son, quoi. On les embrasse. Mais évidemment. Et là, les amis, j'aimerais un peu de concentration. Parce qu'il va être temps d'accueillir le tout premier auditeur de Marion et Anso Le Night Show, saison 2. Il est le premier auditeur de Marion et Anso Le Night Show. Saison 2. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a l'air sympa. Faites du bruit. Bon, alors je vous le dis, on a son nom, son prénom. Il s'appelle Thomas de Tours. Bonsoir Thomas. Ouais, ouais, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'adore. Bonsoir Thomas. Thomas, comment il va celui-là? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouais. Ah, ça fait trop du bien, mon pote. Tu sais que tu nous as manqué. C'est un plaisir de vous avoir. Ah ouais, vous m'avez manqué aussi. Hein. T'as passé un bel été ? Impeccable. Bah, j'ai pas arrêté de compter les jours, les heures, savoir quand est-ce que vous reveniez, quoi. Bon, n'exagère pas quand même. Le mec a vraiment compté, t'imagines ? Non. Ah ouais, je peux vous dire, 52 jours, 1248 heures, hein, 74 880 minutes et plus de 4 millions de secondes. Mais c'est vrai ou pas? Non, c'est une blague. Ouais, je suis un fou, moi je suis comme ça. Ah ouais. Oh, bah c'est trop mignon. Manqué, les filles. Ah, mais c'est trop plaisir de vous avoir. T'as passé de bonnes vacances quand même, Thomas? Ouais, impeccable, nickel. Tu veux pas nous dire ce que t'as fait? Ça reste un mystère. Comment ça se passe? Ouais, bah je pouvais pas vous écouter, donc j'allais à la piscine et puis bah apéro quoi. Bah c'est pas mal. Piscine, apéro, très bel été. Ça ouais, va, c'est ouais, pas mal. Ça y a pas trop se plaindre. Ouais. Thomas, tu restes avec nous jusqu'à minuit? Ah bah oui, sans problème. Bon, bah c'est ça, parti. Fait plaisir. Et Thomas, pendant que je te tiens, est-ce que t'as croisé une star cet été pendant que t'étais en vacances, là, apéro-piscine? Non, même pas, non, je sais pas. Je pense qu'il devait être à l'apéro aussi, c'est pour ça qu'on s'est pas vu. Mais, parce qu'on va parler de ça avec vous, là, dans un instant, des stars que vous avez pu croiser pendant que vous étiez en vacances. Nous, dans l'équipe, on a croisé du lourd, du moins lourd ouais. aussi. Oui. On va vous en parler dans un instant, et puis on va vous préparer un petit jeu aussi avec l'équipe. Franchement, vous allez vous marrer avec nous. 01 42 48 5000, si vous voulez faire de la radio avec nous et nous raconter qui vous avez rencontré comme star. Marion? Moi non, j'ai vu Jean-Luc de la Poissonnerie au Croisic, mais je suis pas sûre. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Et bah, appelez-nous comme Marion ou pas. Bougez pas, on vient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Kongs. Major Lazer. Aline Grosso. Salut, c'est DJ Snake. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça n'a rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, le 24 août au cinéma. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Elles sont revenues bredouilles des JO de Rio. Oh, c'est horrible. C'est méchant. Mais elles sont toujours les championnes de la radio. Mais visiblement, la modestie t'étouffe pas. De 22h à minuit. Night Show. Marion et Anso sont de retour pour la saison 2 du Night Show. Sur Fun Radio. Ouais, on est très contents d'être là, il est 22h16, on est en direct comme chaque soir, ça fait plaisir, on est une des seules émissions d'ailleurs qui a repris, je crois. Ouais, c'est ça, on est les seuls. Ouais, on est les seuls, on aime bien, donc cherchez pas. On s'en fout, on est les seuls. Ouais. On s'en fout, on va dire qu'on est les seuls, ouais, et puis bah, si c'est pas vrai, c'est pas grave, ce sera une vérité à nous. Rejoignez-nous là partout, Marion et Anso sur Facebook, Twitter, et puis on a des nouveautés pour vous. On vous les annoncera petit à petit, on va pas tout balancer le même soir, sinon c'est pas drôle, ouais. Mais restez là toute la semaine, et éventuellement les autres semaines, ça nous arrangerait aussi. Bah éventuellement jusqu'à fin juin, quoi. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a des petits messages pour la reprise? Des gens qui sont là ou pas d'ailleurs, hein? Ouais, il y a beaucoup de messages. Dis-nous tout sur Twitter, Marion Anso. Vous m'avez manqué, heureusement que vous êtes là. Ouais. Il y a des gens qui trouvent hyper beau gosse Sid. Ah, Thibaut à l'Aréa, d'accord. Ouais. Ah bah, je suis content. Ouais, mais attendez, Thibaut à l'Aréa, les gars, détendez-vous, il a une meuf. Hein. Ah, d'accord, elle casse le mythe tout de suite. Alors, Maxence, Mac du 7-6, il est beau le Titi. Marion et Anso, he's beautiful. D'accord. Écoute, même à l'étranger. Art peut-être, non? Art peut-être. Non, non, ils ont bah, je lis ce qu'il y a écrit, les filles. Hein. D'accord. Vous m'avez trop manqué, heureusement que vous êtes là. Est-ce que vous allez faire de plus en plus de vidéos sur YouTube? Oui, bien sûr, évidemment. C'est prévu, et je vous rappelle qu'on a aussi une chaîne de gaming, Marion Enso Gaming. On va évidemment faire plein de trucs dessus, donc allez-y, Marion Enso, ouais. Partout. Maëva, ça fait trop du bien de vous entendre. À nouveau, les birds. Et bah, bisous à toi, ma beurre, et continue avec le hashtag Le Night Show si vous avez croisé une star cet été, parce que c'est arrivé à pas mal de monde dans l'équipe. Ouais. On va faire le tour là avant de vous prendre au 01 42 48 5000. Anso, on en a parlé cet été. Ouais. C'était qui toi? Non mais c'était énorme. J'ai croisé Zlatan Ibrahimovic quoi les gars. Le vrai. Zlatan, le vrai. Ça c'est lourd, vraiment. C'est-à-dire qu'on est, j'étais sur une plage à Malibu en train de déjeuner. Et j'étais avec mon meilleur pote qui me dit regarde le gars il ressemble à Zlatan. Sauf que bah, c'était le gars en fait. Wow. Je suis allée aux toilettes, je l'ai croisé aux toilettes et je lui ai dit excuse me Zlatan. Il m'a fait yes. Et là je lui ai dit it's possible to take a picture, c'est possible de prendre une photo. Ouais. Et il m'a dit yes. Donc là bon bah j'ai tremblé. Tu tremblais? Ouais, ouais. Bah, allez voir la photo de moi et Zlatan. C'est vrai que j'ai quand même une tête d'une enfant de 6 ans. On va la remettre là sur les réseaux. Elle est trop mignonne je trouve cette photo. Il fait deux têtes de plus que toi le gars. Ouais, mais il se penchait hein. Oh là là, c'est trop chaud. Et il faut dire quand même qu'après, à part toi, il a pu faire de selfie avec personne. Non, il était entouré de garde du corps et je crois que le soir même, il était avec David Beckham aussi. Donc j'étais un peu dégoûté, mais. Bah, quand même, hey, t'as vu Zlatan, c'est lourd. C'était hyper frais ou pas de croiser Zlatan? Ouais, c'est vrai. C'est un kiff. Amir, est-ce qu'on baisse en gamme ou est-ce qu'on monte en gamme? Tu as vu qui toi cet été? Bah, c'est un international, Zlatan. Donc non, on baisse pas en gamme. J'ai vu Amir. Ah, c'est frais. Ah, génial. Bah attends. Ah oui, Amir, cool. Amir, le mec d'Anso. Ouais, enfin, mon mec. Dans sa tête. Ouais, j'ai vu Amir. En fait, j'ai vu une affiche dehors. Ouais. Et j'ai vu qu'il était dans le coin. Donc, du coup, je lui ai envoyé un SMS. Ouais. Ah oui, donc tu l'as traqué. C'est tellement ça. J'ai envoyé 25 SMS et puis il s'est dit, bah, je vais lui répondre. Et du coup, il m'a dit, bah, viens. Ah, c'est et, bon. Puis, non, hyper sympa, le mec. Vraiment adorable. Bon, bah, c'est Amir. Amir, ouais, comme ça, hein. C'est un poteau, il vient souvent dans cette émission. Là, vous pouvez aller voir les vidéos sur la chaîne Marion Enso. Franchement, un amour. Ouais. Thibaut Alaréa, t'as vu quelqu'un? Ouais. Une grosse star, Marc Emmanuel, tous ensemble, tout ça. D'accord. Ah oui, celui qui refait les maisons pour les gens à qui sont arrivés des trucs tristes. C'est ça. Et bah, il a l'air super sympa dans la vie. Il a pris un petit café crème, je l'ai vu dans un café. Voilà. Mais t'es allé lui parler et tout? Non, j'ai pas osé. Il m'a impressionné. Mec, c'est pas Obama quand même. Attends, qu'est-ce que tu veux dire à Marc Emmanuel alors? Tu construis toujours des maisons? Bah bonjour, est-ce qu'il serait possible de faire une petite photo? Ouais, mais t'as envie d'avoir un selfie avec Marc Emmanuel? Certes non, mais bon, je sais pas, je connais pas encore bien Thibaut Alaréa. Faut que j'apprenne à connaître ses goûts. Moi j'ai vu quelqu'un, alors rien à voir. Bon, c'est hashtag star de merde. C'est un mec qui a fait Les Princes de l'amour. Je l'ai vu en Corse, il s'appelle Florent pour les connaisseurs. Ah oui. J'avoue que voilà, c'est pas une référence, mais je l'ai reconnu direct et voilà, ça m'a fait marrer. Mais du coup, t'as pris une photo avec lui? Non, c'est lui qui a voulu prendre un selfie avec moi. Non, je plaisante. Non, je rigole. Non, mais il est beau gosse et tout, ça me faisait marrer. Il y avait plein de minettes autour et voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Bon, venez nous dire là, vous aussi. 01 42 48 5000, quelle star vous avez pu croiser en vacances? Oui. Et il y a Maxime de Palaiso qui nous a appelé. Bonsoir, Max. Oui. Ça va, Max? Ça va, Max? Ça va, ça va. Bon, t'as passé de bonnes vacances, toi? Alors, nickel. J'ai pas fini d'ailleurs. Enfin, j'ai repris le boulot, mais bon. Il y a les week-ends qui comptent, quoi. Il ouais, fait voilà. beau, il y a la température haute. Voilà, quoi. Surtout sur Palaiso, ça se passe plutôt bien. Oui, il fait très chaud même sur Palaiso. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas tout ça. On crève de chaud. Non, mais c'est chaud partout, là. Oui, mec. Ouais. Et du coup, t'as vu qui et où, toi? Alors, moi, j'ai vu Martin Garrix. Ah, ouais, Tomorrowland. Non. À Tomorrowland. Derrière la main stage. Alors, je traîne souvent avec une amie en festival qui connaît Tiesto, qui connaît Martin Garrix et d'autres. Ouais. Et donc on a été derrière la main stage comme ça et d'un seul coup bah nous on les voit tous passer en fait derrière en haut parce que t'es une passerelle. Ouais. Et là on voit sa tête dépasser, il nous fait coucou. Donc il fait coucou à mon ami comme ça. Et là t'as mon ami, elle nous dit bah il descend nous voir. Mais non. Et, pardon. Oui oui, si il vient il descend nous voir. Mais ah bah d'accord. Puis là on le voit arriver avec sa capuche, il nous dit bonjour comme ça tranquille. Et fait quoi? Donc voilà, enfin autographe, photo Un peu parler, enfin voilà quoi. Fin... Il est frais hein, quand même ce Martin Garrix. Franchement, j'étais sur le cul, on va dire. vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a pas du tout un boulard, Martin Garrix. Bah non, pour l'instant non, il est tout jeune encore aussi hein. Bah il a quel âge? Il a 20 ans là. Non mais c'est il a 20 ans, ouais. C'est un des plus grands DJ du monde hein, quand même. Il pourrait être en boulard, il fait les plus grosses tournées, il fait des tournées dans le monde entier quoi, ouais, il mixe dans le monde entier. Ah, troisième du top 100 DJ Mac quand même. Ouais, quand même. Mais bah, quel classement des DJ. Je l'envoie le week-end prochain là, peut-être que ça sera la même chose. Tu vas le voir où? Tu retournes avec la même personne. Donc mais dès Maxime, que je l'enverrai, j'espère. Maxime, excuse-moi, tu es amoureux de la personne? Non. Mais juste par rapport à Tomorrowland, ce qui est en festival reste en festival. C'est vrai. Et ouais, juste, d'accord. Je voudrais faire un big up à toutes les équipes de Fun qui étaient là-bas et qui ont fait vivre l'événement sur Fun Radio, JB et tout. Franchement, c'était mortel. Ouais, c'était chiant, mais on vous embrasse, les gars. Merci. Maxime. Maxime Garrix, on te fait des bisous. Bisous Maxime. Pas de soucis, bisous à vous, allez, au revoir. Bisous à toi. Il y a Eric d'Arpajon aussi qui est avec nous. Ah, bonsoir Eric. Salut les filles, salut l'équipe. Ah, salut Eric. Ça va Arpajon? Ouais, ça va super, et puis bienvenue à Thibaut. Hein. Ah bah oui. Merci. Il est content, il est là, c'est Sid, il est guéri. Mais ouais, il est pas mal, j'ai vu sa photo, j'ai envie de lui dire, Thibaut. Hein. Merci, Eric, c'est gentil. T'as vu qui, toi, Eric? Écoute, j'ai vu deux stars, en fait. J'ai vu Mimi Mati, qui faisait un tournage à mon boulot, puisque je bosse à La Poste. Elle faisait un tournage pour Joséphine dans Le Gardien, et figure-toi qu'on est tombés tous les deux dans l'ascenseur. On est tombés en panne dans l'ascenseur, donc c'était magnifique. Voilà. Et elle t'a parlé un peu ou pas? Bah ouais, pendant un quart d'heure, on a pu discuter. On a échangé sur nos vies professionnelles, donc moi, c'était assez rapide en tant que facteur. Et, par contre, ouais, c'est vrai qu'elle a un passé incroyable, quoi. C'est quelqu'un de super sympa. Est-ce qu'elle a essayé de te faire croire qu'elle avait des vrais pouvoirs magiques? Non, parce que l'ascenseur est pas reparti, donc non. C'est mort. Et surtout parce que c'est une personne normale, en fait. Ben tu la vois essayer de faire ça. Ok, donc ça, c'est pour la première. Et t'as vu qui d'autre? Et alors la deuxième, en fait, c'était à Las Vegas, parce que j'ai eu la chance de partir là-bas. C'était Nicolas Cage à la piscine de l'hôtel. Déjà, je peux confirmer que Hanso a pas pécho Nicolas Cage, déjà. Ah oui, je te confirme, j'ai pas pécho Nicolas Cage. Et je l'ai vu à la piscine de l'hôtel, ouais, il faisait la queue pour prendre le toboggan, j'étais juste derrière lui et j'ai pu prendre une photo. D'ailleurs, je vous l'ai envoyé si vous voulez voir Nicolas Cage en tong, c'est le moment. Hein. Bah, juste pour resituer ceux qui connaissent peut-être pas, il a joué dans quoi? Il a joué dans Benjamin Gates, il a joué en Prédiction, dans Lord of War aussi. Ghost Rider, dans plein de trucs. Mais c'est un acteur hyper connu, quoi. C'est un acteur mondialement connu. Ok, et ben j'ai envie de dire belle pioche. Bravo. Eric, toi, tu nous as fait le grand écart de la rencontre. Mimi Mati, Nicolas Cage. Ouais, bravo. Ça, c'est méchant pour Mimi Mati, ça, non? On t'embrasse. Bah, attends, on sait pas de l'un ou de l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. On t'embrasse, Eric. Moi aussi, gros bisous. Bisous à toi. Bisous. Continuez à nous appeler à 01 42 48 5000 pour nous dire qui vous avez croisé avec le hashtag Le Night Show. Ça marche aussi. Mais en attendant, l'équipe, on va se faire le premier jeu de l'année. Ah. Vas-y. Vous le savez, tous les ans, les stars se font paparazzi sur les plages, partout, le bide à l'air, les seins qui tombent. On voit ça tout le temps. Ouais. Surtout nous, on lit la presse People avec Anne-Sou quand on se fait chier sur la plage. Du coup, petit jeu pour vérifier si vous avez suivi les aventures des stars, ok? Ok. Vous allez me dire paparazzi ou pas paparazzi. Ok. C'est dur à dire, attention à vous. Est-ce que Orlando Bloom a été paparazzi en faisant du paddle, dessapé comme jamais avec Katy Perry? Oui. Ah oui, c'est à l'île de Ré en plus. Ouais. À poil, le gars. Paparazzi, ouais. Mais complètement teub à l'air, quoi. Non, mais ah oui, j'ai vu les photos, c'est. Pas mal. Ouais, ouais, bah pas de pudeur, quoi. Pas de pudeur, et ouais, ils ont dû s'amuser, quoi, les deux. Et puis Katy Perry, on l'a vu faire du vélo aussi, culotte à l'air, culotte à tout vent. Tout ce qui est nudisme, quoi. Voilà. Est-ce que Jean-Marc Morandini a été paparazzi avec Casimir en vacances sur l'île aux enfants? Non. Pardon. Non, pas paparazzi. Non, pas paparazzi, évidemment. Est-ce que Florent Pagny a été paparazzi du côté des Antilles, se faisant appeler Florent Pagny Problème? Ouais, je le tiens pas, cet accent. Les gars. Excusez-moi, Thibaut à l'arrière, on te connaît pas assez. Est-ce que tu tiens l'accent antillais ou pas? Je sais pas si je tiens l'accent antillais. D'accord, ça marche. Pas du tout. Mais excuse-moi, Anso, vas-y. Florent Pagny Problème. Ouais, non, pas du tout. C'est pourri, quoi. Est-ce que cet été, Maître Gims a été paparazzi sur une plage sans lunettes de soleil? Non. Paparazzi, peut-être. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Jamais sans. Est-ce que cet été, le rappeur Lafouine a été paparazzi avec des kilos en plus et sans sa barbichette? Paparazzi? Oui. Ah ouais, mais je l'ai pas vu. Oui, et ben moi non plus, mais je sais qu'il l'a été. Et ça doit faire bizarre de le voir sans sa barbichette. J'espère que c'est bien lui, que je me suis pas plantée. Non, si, c'est bien lui. Est-ce que cet été en Corse, le sourcil d'Amir a été paparazzé par ailleurs, ayant été confondu par le ticket de métro du naturiste? Ça me fait mal. Ouais, parce qu'ils sont venus. Cette année, ils sont revenus, les sourcils d'Amir. Ils Par contre, je voulais vous en parler parce que ça m'est arrivé cet été. Je trouve que mes sourcils au soleil, ils poussent vite. Bah, voilà. Mec, ils poussent tout le temps vite, tes sourcils. Non, mais au soleil, ça pousse encore plus vite. Bah pourquoi? Bah je sais pas, ça m'a gêné. Les vitamines, quoi. Il a fait des couettes, quoi. Ouais, on va vous mettre évidemment des photos d'Amir, parce que peut-être que vous le découvrez ce soir. Il a deux énormes sourcils, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'est des blattes. Il y a Simon là de Caen qui nous a appelé. On parle des stars que vous avez rencontrées cet été. C'est vrai que c'était méchant, ça. Oui. Bonsoir, Simon. Salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va, Simon? Ça va super bien, et vous? Et bienvenue, Sid. Merci beaucoup. Ça y est, il est renommé, le pauvre. Ah non, il s'appelle Thibaut, les gars. T'as 17 piges, toi, Simon. Ouais, c'est ça, ouais, bon. Exactement. T'as vu qui? Dis-nous tout. Ben, en fait, j'étais en vacances à Saint-Martin, et à l'aéroport, qui allait à Saint-Barth dans sa maison, j'ai croisé Johnny Hallyday, en plein milieu de l'aéroport, quoi. Oh, pas mal. Ah, notre Johnny. En mode archi cool. Mais au moment où j'ai voulu faire une photo, bah, il rentrait pour embarquer, et du coup, bah, j'ai pas pu, et j'ai pris le sub, franchement. Ah, c'est dommage. Et tu sais que à Los Angeles, je suis allée sur les hauteurs de Los Angeles pour voir un peu le coucher de soleil, et j'ai vu la maison de Johnny Hallyday. Waouh. Mais c'est pas une maison, hein. c'est une ville. Ah c'est ouais, un gigantesque, château. Quoi. Ah voilà. Ça m'étonne pas, c'est Johnny en même temps. Anecdote de merde. Non, je te la prends celle-là, moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Simon, on t'embrasse, la prochaine fois, tu l'auras ton selfie. J'espère bien, merci à vous, hein. Continuez comme ça. Bisous, mon petit chat. Burr. Il y a Marie aussi de Lille. Bonsoir, Marie. Salut Marion, salut Anso, ça va les filles? Allez. Oui, ça va et toi, chérie? Ça va, contente de vous retrouver. Mais t'es la première fille de la soirée, non? Ah. J'ai l'impression que ça s'applaudit, ça. Ça va Marie? Ouais ouais nickel. Dis-nous, t'as vu qui toi cet été? Bah moi, en fait je suis méga fan de la personne que j'ai vue. Et donc en fait c'est Nagui. Je l'ai croisé en vacances, j'étais trop heureuse. Et en fait il était en train de faire ses courses à Intermarché. Ah Nagui, j'adore ce mec. Ouais moi aussi. Il est trop beau, je le kiffe, voilà, c'est mon animateur préféré. Et en fait il était au rayon fromage. Et j'ai espionné un peu, du coup j'ai pas osé aller le voir, mais j'ai vu qu'il avait acheté du Roquefort. Ah bah tu vois, il me déçoit s'il aime Roquefort. C'était peut-être pas pour lui. Bah oui, c'est sûr que t'as l'habitude de faire des courses pour des gens que tu connais pas. C'est vrai, je sais pas, pour ses enfants. Mais du coup, pourquoi t'es pas allé le voir si t'es fan? Bah je sais pas, j'ai eu un coup de flip, je sais pas. J'étais impressionnée en fait et voilà, je le regardais de loin, mais j'ai pas osé y aller. D'accord. Bon, la prochaine fois, Marie au rayon, tout ce qui est hygiénique, vécu, ça met bien à l'aise tout le monde. On t'embrasse, Marie. Merci de nous avoir appelés. Ça marche. Bisous, ciao. Bisous à toi. Et continuez à nous envoyer vos photos hein, si vous avez rencontré des stars en vacances. Marion et Anso@funradio.fr sur Facebook, sur Twitter, ça marche partout. Moi, j'ai quand même envie de demander à Pépère de l'équipe si lui, il a vu une star, oui ou non, parce que bah, ça m'intéresse. Vas-y, alors Pépère. Bah, Pépère, il a vu Amy Winehouse cet été. Hein. Oui, alors ça, c'est pas possible parce qu'elle est morte, Pépère. Bah, si, bah, Pépère, pourtant, il a ouvert le cercueil, il a blanc enculé. Hein. Ouais. Non, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur de rentrer dans un autre. C'est bon, c'est là où on a perdu tout le monde. Que Pépère est très en forme en tout cas. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le fun, un incroyable talent qui va débarquer. Donc si vous avez un talent, eh ben dites-le nous. Voilà, ouais. Marion et Anso@funradio.fr ou vous nous appelez dès maintenant 01 42 48 5000. On est ensemble en direct jusqu'à minuit et on adore être avec vous. Et pour le son tout de suite, c'est Tal sur Fun 1. I wanna be away and let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, pick it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. Some new every year. Wake up right now. Enzo, le Night Show, ça y est, c'est reparti. Franchement, on est hyper contente de vous retrouver avec Enzo. Là, ça nous fait du bien. Ah, mais moi, j'étais en manque, hein, comme une diabétique en manque de sucre. Comment ça se passe d'ailleurs, le diabète? Oh, bah, on est sur quelqu'un qui gère pas très bien en ce moment. En tout cas, tu as minci. Ah, merci, ça, c'est gentil. Les auditeurs le disent aussi sur les réseaux sociaux. Tu t'es affinée, t'es bonasse, quoi. Ah, bah, ça, c'est l'avion, hein, la dépressurisation tout de suite. Restez là, grosse émission ce soir. Le retour de tous vos rendez-vous préférés, dont le Pourquoi tu m'appelles. Rappelez-vous, ça donnait ça. Allô? Oui, bah, pourquoi tu m'appelles? Pardon? Bah, j'aime pas trop qu'on me dérange et qu'on me parle sur ce ton-là, en fait. Ouais, mais moi, je t'emmerde. Ce sera à 23h tout à l'heure, avec une nouveauté, le Poké Lost. Ne bougez pas, soirée de ouf. Fun. Fun Radio. Un incroyable talent. Ah, ça nous avait manqué, ça aussi. Le fun a un incroyable talent. Ce moment où vous venez nous montrer, là, à l'antenne, votre talent. Alors, je vous rappelle, si vous nous découvrez ce soir, que ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. On n'est pas très regardant avec Anso et l'équipe. Vous pouvez être chanteur, imitateur, faire des bruits d'oiseaux, jouer des claquettes, n'importe quoi. Nous, on prend tout. Marion et Anso, @funradio.fr. Et j'aimerais savoir, faire connaissance un petit peu avec lui, Thibaut Alaréa. Ouais. T'es nouveau dans cette équipe. Est-ce que toi, tu as un talent? J'ai pas de talent. J'ai juste un truc que je sais faire, je sais tomber genre sur commande. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce talent de merde? Comment ça, tomber sur commande? Bah, genre, hop, je marche, hop, boum, totum, totum, je marche, et d'un coup, bam, je tombe. Ah, genre cascadeur? Ouais, genre un peu cascadeur. Est-ce que tu peux le faire là qu'on filme pour les réseaux ouais, sociaux là? Si tu veux. Okay. Vas-y, fais-nous ça, je vais vous décrire si c'est stylé ou pas. Okay. Soi-disant, il essaie de tomber sur commande. Et il le fait où là? Là? Bah ouais, là, dans le studio là. Ouais, dans le studio. Ok, là, je suis comme ça, machin. Là, ouais. Content, là, oh, oh, mec, c'est hyper flippant. Mais non. Putain, et on va vous mettre ça sur les réseaux. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais il tombe vraiment, le gars. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf, ça fait même flipper. Ah, mais je faisais flipper ma maman quand j'étais petit avec ça. D'accord, alors c'est pas un talent très radiophonique, mais c'est un vrai talent. Appelez-nous vous aussi, on joue ensemble. Non, mais allez voir Marion et Anso partout, on va vous mettre la vidéo. C'est hyper impressionnant. C'est Lorenzo qui a un talent avec nous ce soir. Bonsoir Lorenzo. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Oh, hey. Ouais, ça va, est-ce Bichon qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Lorenzo, avant que tu nous parles de toi et de ton talent, j'ai ouais, une question à te poser. C'est le thème du soir, le sujet qui bah, tient la France en haleine, j'ai envie de dire. Est-ce que selon toi, Anso a pécho aux États-Unis ou pas? Oula, non, franchement, je pense que non. Et pourquoi, Lorenzo? Ben, à chaque fois, elle raconte ses désespoirs d'amour et elle n'y est pour rien. Ouais, mais je raconte mes désespoirs d'amour et aussi bah, tout ce qui se passe dans ma vie sexuelle qui est quand même très riche. Mais il est lucide, Lorenzo. Hein, ah, il a pas okay, misé sur toi. Reste là, tout à l'heure, on te donnera la réponse si elle a chopé ou pas, d'accord? Ok, ok. C'est quoi ton talent, Bichon? Alors, moi, je suis pas cascadeur, je suis animateur radio. Enfin, du moins, je pense. Ah, c'est cool ça. C'est bien, tu fais de la radio où? Sur une asso? Sur internet? Ouais, sur une radio locale. D'accord, bon. Elle s'appelle comment? RPH, Radio Pays des Roms. D'accord, mmh. Moi ça me plaît bien, le premier auditeur du talent, le premier auditeur est un animateur radio, ça me plaît. Exactement, est-ce que tu sais comment ça se passe? T'as écouté un petit peu en saison 1? Oui, bah, je vous écoute tout le temps donc. Ah bah parfait, on va te tester, mais pas sur des speaks radio faciles, tu vois, genre lancement de titre et tout, nous on est un peu plus vicieux que ça, ok? Ok. Donc on va te donner des petits exercices et après bah, tu sais comment ça se passe, si tu as les 5 oui de l'équipe, tu viendras tout frais payé dans ces studios. Ça roule. Allez, premier exercice, poteau, tu vas devoir bah, tiens, nous annoncer en fait. Annoncer l'arrivée du night show comme ça là. Nous vendre à fond, vendre l'équipe. Mais on va te rajouter un petit handicap, on va te donner 2-3 mots à placer. Ok, d'accord. Deux mots. Alors, le premier mot, ça va être beurre. Parce que c'est un peu le mot qu'on utilise toujours avec Marion. Ouais. Ouais. Et le deuxième mot, ça va être raton laveur. Raton laveur, parce que c'est vrai qu'avec Marion, nous avons une passion pour les ratons laveurs. Alors, on t'envoie un jingle et après tu vas, tu parles, tu nous vends, ok? Ok, d'accord. Allez, là. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Et nouveau jeu, nouvelle rubrique et surtout plein de cadeaux. Bref, la totale, tout est beuh, des beuh partout. C'est la rentrée du Night Show avec Marion et Anso et toute l'équipe. Alors là, vous laissez tomber tout, même les ratons laveurs, vous laissez tout tomber. Et jusqu'à minuit, uniquement sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Ah oui, bravo. Le gars, il est en place, hein? Ouais, il est en place. Franchement, le gars, il a fait un truc là, propre, lisse, il a improvisé et tout. Du sourire et tout, il nous met tous à l'amende, quoi. Ah, de ouf. Bon, on va essayer de corser un peu les choses, mon pote. Maintenant, tu vas devoir offrir un cadeau de merde à Anso, d'accord? Le cadeau, ça va être l'intégrale de la saison de téléshopping. À la télé. C'est hyper frais, téléshopping. Vas-y, Anso, c'est toi qui es l'auditrice. D'accord. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun. Oui, allô? Allô? Comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'appelles d'où? Je m'appelle Anso, j'ai 25 ans et j'appelle de Paris. Ok, d'accord. Bon, Anso, tu nous as appelé parce que tu as participé au grand concours, un concours de ouf, pour gagner l'intégrale du coffret de télé-shopping. Est-ce que tu es motivée pour gagner ce cadeau de ouf? Je suis motivée pour gagner ce cadeau de ouf, Lorenzo. Ah, t'as pas l'air motivée, là. Mais je suis motivée. Est-ce que t'es motivée? Ah, voilà. Bon, ben, comme t'es super motivée, en plus de l'intégrale télé-shopping, je t'offre 3 pulls en laine tricotée rien que pour toi par ma grand-mère. Merci, Lorenzo. Ah ouais, il est bon. Ah, il est bon, Lorenzo, il me fait rire. Franchement, il est bon parce que tout passe avec lui. Il te vend le truc, il a une telle pêche, franchement, nickel. Dernier exercice, Bichon, avant de voir si tu vas venir dans ses studios ou pas. Ça va être résoudre un problème. Tu le sais, quand tu veux faire de la libre antenne, du talk, il faut parfois affronter des auditeurs qui ont des soucis pas toujours évidents. Ouais. Là, c'est Amir, ton auditeur. Il a eu un souci cet été, il va t'expliquer. Vas-y, Amir. Salut. Okay. Alors moi, salut, Amir. Ça va? Ça va très bien et toi? Ah, ça va, merci. Merci de m'accepter à l'antenne. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Parce qu'en fait, cet été, sur la plage, j'ai perdu mon sourcil le droit. Il est tombé. Alors, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, est-ce que t'as un chien chez toi? J'ai un chat. Ouais, bon, ça va être un peu compliqué. Va acheter un chien, d'accord? Ouais, ok, ouais. Et achète un chien. Ouais. Il faut qu'il ait des poils longs, tu lui coupes les poils et tu colles. Ça passera crème, t'inquiète. Ou sinon, au pire, on va prendre, on coupe la frange de Marion et on te l'envoie, ok? Ah, c'est pas bête, hein. Ah, la frange de Marion, ça peut être pas mal. Ah, mais t'es fort, hein, je suis content. Ah, c'est pas mal. Alors que ma frange, c'est vrai que t'aurais eu l'air con avec un sourcil blond et un sourcil brun. En tout cas, on félicite Amir pour ce problème inventé incroyable. Hein. Parce que ça arrive à beaucoup de gens de perdre des sourcils l'été. On le sait, bravo à toi. Ouais, c'est vrai. Merci, c'est pas mal, parce que je précise quand même que Lorenzo n'était pas au courant avant des petits exercices, donc il improvise là. Donc c'est pas si mal que ça, franchement. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'assurance, il est très très bon. On va voir ce que ça donne, mon pote. Il te faut les 5 oui pour venir tout frais payer ici. T'habites où déjà? À Agde, dans le sud de la France. Ok, ça fait une petite trotte, mais c'est sympa, on peut le faire. Oh, un grand coup d'avion. Puis hop, on est là, quoi. Allez, on y va. Enzo. Oui. Thibaut. Ouais. Anso. Oui. Marion. Oh, je dis oui, allez. Oui. Ah. Oh, c'est bien, c'est bien. T'as vu qu'on n'avait pas demandé à Amir ou pas? Ouais, en fait, ton problème, c'était tellement de la merde qu'on a pas voulu le jouer. Il nous expliquait Thibaut Alara qui a pas envoyé le jingle à Amir. Du coup, Amir a fait une tête, mon pote. Amir, t'aurais dit oui. Oui. Ça fait mal. Bah, bien sûr que j'aurais dit oui. Bon, bah, voilà, Lorenzo, c'est tu vas bien. Pouvoir venir avec la personne de ton choix, tout frais payé dans les studios. Tu viens nous voir, cool. Et puis on fait de la radio ensemble et on s'éclate, quoi, ok? Ah, c'est trop génial. Merci les filles. On t'embrasse. Bon, bisous, ciao. Bisous, salut. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler de jeux avec vous. On en a créé un tout con, mais vraiment débile dans l'équipe, mais qui nous fait mourir de rire. C'est pas nous qui l'avons créé, hein. Il existait déjà. Évidemment, on a envie de jouer avec vous. 01 42 48 5000 pour venir jouer et parler de jeux avec nous. On se retrouve juste après Kungs sur Fun Radio, tête de beurre. I'm gonna rock your back, take it left foot. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it left foot. Gonna rock your back, don't you know.

feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Une fois, je me suis pas épilé le maillot pendant 2 mois. Oh. Dans la bonne humeur. On sera là pour une saison 2 avec vous tous, 22h minuit. Marion et Anso. Night Show. Saison 2. Ça va être un kiff énorme. Sur Fun Radio. Et dans quelques minutes, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. Le premier de l'année, j'ai hâte. J'espère qu'il va être bon. C'est ouais. Tout ce que je peux dire. On va aussi savoir si Anso a pécho ou pas. Moi, je le sais, mais vous n'êtes pas au courant. C'est le dossier du soir. Et je te le dis déjà, Babur. Dis-moi. Si, par malchance, tu n'as pas pécho, ouais. Tu auras un gage. Ah. Et si tu as pécho, tu auras un cadeau. Ah. Voilà, pour te féliciter. Donc, prépare-toi un petit peu dans ta tête. Et puis, bah là, en attendant, on voulait parler avec vous des jeux de l'été. Vous êtes encore en vacances, faut en profiter. On parle pas forcément des jeux d'alcool. Voilà, je sais qu'il y en a, on lit toutes vos réactions là sur Twitter, tout ça. Avec modération, l'alcool, évidemment, on parle des jeux en général, des jeux qui vous font marrer entre potes, jeux de société, appli, n'importe quoi. Dites-nous. Appelez-nous 01 42 48 5000 comme Solène de Marseille. Bonsoir, Solène. Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut. Ça va, Solène? Ouais, ça va, et vous? Ouais, bichette, t'as passé de bonnes vacances? Ouais, super, ça fait plaisir de vous retrouver. Oh, merci, t'es une bird. T'étais où, toi, cet été? Je suis partie au Portugal. Sympa, le Portugal. Ah, c'est cool. Je connais pas du tout, remarque. Moi non plus, jamais fait. Ah, c'est beau, c'est hyper beau. T'es allée où au Portugal, Solène? Dans le sud, dans l'Algarve. Ah oui, bah, ça ne me parle pas du tout. Et alors, tu as joué à quoi au Portugal? Au Portugal, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Touche Touche Bisou. Ah, ça m'intéresse, moi. Attends, bon, est-ce que ça se joue tout nu? Non, ça se joue pas tout nu. Bon, quand même, bon, je suis un peu vieille pour jouer à ces jeux-là, mais bon, c'est marrant en vacances avec ses potes. Et... Bah, c'est quoi? En fait, le principe, c'est que quand on est 5 filles, 5 garçons. Mm-hmm. En gros, tout le monde va courir et celui qui arrive à toucher l'autre va lui faire un smack. Ah. Mais bon, après, généralement, ça dérive un petit peu, quoi. Mais attends, mais c'est marrant quand t'as 8 ans, ça, non? C'est ouais. Que tu cours après les gens pour leur faire des smacks. Non, mais je vous conseille d'essayer, hein, c'est marrant quand ah même. Ouais. Même à 2 ans. Quand tu dis que ça part en steak, ça part en quoi? Bah, ça part où on se touche des endroits un peu plus intimes, quoi. Ah, là, tu nous intéresses. Donc, ça finit en partouze. Ah oui, je savais que ça allait vous intéresser. Non, mais attends, en même temps, il faut que ça sous-entende jouer avec des potes que tu trouves canon et à ton goût, quoi. Bah oui. Ouais, voilà, des gens qu'on connaît pas forcément très bien, quoi. C'est marrant aussi de le faire avec des gens qui sont pas à ton goût. Du coup, t'as un peu l'appréhension, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ouais, c'est pas toujours appréciable, du coup, quand même. Et ben, tu sais quoi, on va le tester dans cette équipe et on filmera. Avec plaisir. Et là, il y a J'attends. Tout le monde qui m'a regardé en mode qu'est-ce que tu racontes? Non, mais surtout, je vous explique, on est que 2 meufs pour 850 mecs. Donc, ça va être compliqué quand même. Bon, en tout cas, on prend Solène, touche, touche, bisous, on note. On t'embrasse, petite chaudasse. Je vous embrasse. Bisous. Bisous. Anso, t'as joué à quelque chose, toi, cet été ou pas spécialement? Nous, on a fait le banal GG jamais. Voilà. Ouais, toujours bien, ça marche bien, on en apprend sur les autres, quoi. Exactement, t'en apprends vraiment bien sur tes potes et ça, c'est intéressant. Amir, des réseaux sociaux, est-ce que tu as joué à un jeu cet été? Ouais, j'ai testé un nouveau jeu. Ouais. J'ai essayé le loup-garou. Ah c'est, oui, c'est archi nouveau, bien. Mais c'est pas nouveau. Eh ben, oui, non, mais attends, dis-moi, toi, t'étais le loup-garou. C'était la première fois que j'en faisais. Ouais, bah, comment tu sais? Les sourcils. Je rigole. C'est sûr, les sourcils. C'est pas bien. Non, mais c'est vrai, t'as gagné. Comment ça s'est passé? En loup-garou? Ouais. Non, j'ai pas gagné à chaque fois. Et on est d'accord que ce jeu est hyper relou quand t'es un putain de villageois pendant tout. Bah, tu sers à rien en fait. Bah, c'est relou. Pour expliquer aux gens qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu de rôle. Donc chacun a un personnage. Il faut découvrir qui sont les méchants loup-garous qui tuent tout le monde. Ouais. Et puis voilà, il y a les gentils, les méchants. C'est plutôt sympa à faire. Ouais, c'est pas mal. Je faut valide. Avoir, faut avoir du temps à tuer quoi. Ouais, tout beaucoup. À fait. Mais bon, c'est super cool à faire. Hein. Il y a Kenny qui nous a appelé de Sainte aussi. Bonsoir Kenny. Oh, okay. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ah bah ça va super hein, le retour, hein. Comme on dit, hein, c'est la seule chose qui peut nous redonner le sourire là, pour les fins de vacances. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon, t'es trop chou. Tu reprends quand la rentrée, les cours là? Ah bah là je reprends bientôt, la semaine prochaine. Bon bah ça va aller, on sera là pour vous soutenir, on va vous divertir toute la saison, c'est promis mon pote. Ah bah je compte bien en tout cas, on va continuer à suivre tout ça. Dis-nous, c'est quoi ton jeu de l'été à toi? Alors bah moi j'ai des vagues souvenirs de ce jeu-là, parce que c'était en fin de soirée. Ouais. J'ai joué au beer pong avec des potes, ah, c'est au beer pong. Ouais. Et bah ça s'est très mal fini parce que je ne sais même pas comment j'ai atterri dans ma tente et comment j'ai fini la soirée. Donc bon, les photos parlent d'elles-mêmes. Mais en tout cas aujourd'hui je suis carrément dégoûté, j'ai arrêté les soirées parce que rien que de passer dans le rayon alcool ça me donne envie de vomir. Du coup ouais, je suis carrément dégoûté. Mais, alors attends mon pote, il faut expliquer à ceux qui connaissent pas ce que c'est. Ça se joue comment? Alors ça se joue, c'est très simple justement, c'est pour ça qu'on tombe vite dans le piège. Ça se joue avec des verres déjà, avec qui sont remplis de bière, et on fait une pyramide de verres sur une table, ouais. Et on a une boule de ping-pong, et en fait on doit la faire rebondir, on doit l'acheter voilà, dans le verre, ça dépend selon les personnes, enfin moi je sais qu'il y a différentes versions pour jouer. On la fait rebondir et ça tombe dans un verre et on doit le boire. Ouais, c'est ça. Et il y a différents niveaux dans différents verres, et puis voilà, puis après attention, ça monte plus vite. Attention quand même au jeu à boire les gars, hein, ouais, parce que attention. C'est vraiment chaud, le beer pong en plus ça peut être vraiment très tendu. Faut pas abuser. Ah ouais, non, c'est très très très très sadique. C'est marrant à faire avec du jus d'orange, ça marche aussi, non? Ouais, c'est bon, pas le même effet après. Ouais, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Ouais. Tu prends un verre de jus d'orange cul sec, à moins d'être diabétique. C'est pas grand-chose. Ah, là, ça peut être drôle. Bon bah Kenny, merci d'avoir partagé ça avec nous. Ah bah de rien, mais en tout cas, si vous essayez, pensez à moi. Et du moins, essayez. Crois-moi, certains dans cette équipe ont déjà essayé, mais on pensera à toi toujours. On t'embrasse, ouais, Kenny. Yannick, ça a l'air. Je pense qu'il a bien tisonné cet été. Yannick, du standard, ouais. Le standard, ouais. Ouais, Yannick du standard. On t'embrasse, bisous. Bisous, Kenny. Bon, bisous l'équipe. À plus tard, ciao. Tiens, bon, on vous l'avait promis, on avait envie de tester un jeu qui nous fait vraiment marrer. Je vous cache pas qu'on l'a fait 2-3 fois et à chaque fois, ça part en fou rire. Ouais. Ça s'appelle le Dans mon sac, j'ai. Je vais commencer par dire dans mon sac j'ai quelque chose et ça va s'enchaîner avec Anso et tous les membres de l'équipe. À chaque fois vous allez devoir rajouter un mot sans oublier le mot d'avant, donc ça va faire une phrase hyper longue. Donc on joue, ça fait Marion, Anso, Amir, Enzo, Thibaut. Exactement, à chaque fois on va resituer et le premier qui oublie les mots d'avant est éliminé. Vous allez voir, c'est très simple, écoutez bien, c'est parti. Dans mon sac j'ai une bouteille d'Orangina. Anso. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina et un slip. Amir. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip et un collant rose. Enzo du standard. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip et un collant rose. Ouais. Et un col en V. Oh, Thibaut à l'arrière. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina et un collant. Non. Mais non, éliminé. Je reprends. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina et un slip et un col en rose et un col en V qui pue la merde. Anso. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip, un col en rose, un col en V qui pue la merde et un verre de terre. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip, un col en rose, un col en V qui pue la merde. Qui pue la merde, ouais. Une bouteille, non, du verre. Merde, putain. Raté, éliminé, Amir. Oh, Enzo, tu reprends. Alors, dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip, un col. Non, ah bah voilà, je sais pas. Allez, hey, il a raté, mais regardez, hein, sa feuille. Ouais. Ah, il a triché. Il a triché et il a. C'est pas vrai, c'est des annotations, ok. Arrêtez, je vais oublier. Enzo, il reste plus que nous deux. Dans mon sac, j'ai une bouteille d'Orangina, un slip, un col en rose, un col en V qui pue la merde et un verre de terre qui me sert de sextoy. Bah ça va, t'as qu'à faire des phrases aussi. Ah bah ouais, ouais. Bon alors attendez, dans mon sac j'ai une bouteille d'Orangina, un slip, un col en rose, un col en V qui pue la merde, un verre de terre et un sextoy. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Qui me sert de sextoy. Ah merde, j'ai perdu Marion. Bravo. J'ai gagné, oui, bravo. Ah bah bravo. Merci. Ouais. Essayez chez vous. Moi j'aime bien ce jeu, j'aimerais bien qu'on y rejoue. C'est trop drôle. Ça vous chauffe? Ouais. Et bah franchement, on se marre, mais j'ai l'impression que je gagne à chaque fois. Ouais, bah détends-toi, t'as qu'une preuve devant la France entière. Bah j'ai de la mémoire, les gars, ça c'est va. Tout. Il y a Gabriel Demeaux là qui nous a appelé. Bonsoir Gab. Salut Marion, salut Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Bra. Ça va, poto? Ouais, ça va, nickel. Bon, raconte-nous. Trop content de vous retrouver. Merci, t'as joué à quoi toi cet été? En fait, c'est le jeu du mec qui pisse le plus loin, en fait. Et en fait, celui qui pisse le moins loin, en fait, bah, c'est, il a un gage. Ah ouais, il a un gage. Ouais. Gage. Bah, un gage, après, c'est le mec qui a pissé le plus loin, en fait, il pisse dans un petit récipient, de 3 gouttes, en fait. Enfin, un petit peu, quoi. Et après, le perdant doit le boire. Et moi, je me suis fait avoir une fois. Oh mais non, mais c'est horrible. S'il a fini de pisser, il n'y a plus de gouttes. Enfin, c'est fini. Bah tu repisses après Amir. Mais non mais il doit mettre 3 gouttes puis après refaire pipi ailleurs. Mais par contre ça c'est pas drôle comme jeu non? Et c'est malsain, enfin il faut pas boire son pipi. Non mais attendez, Gabriel il veut partager avec nous, on va quand même pas l'engueuler. Bah si, si je suis désolée, celui qui pisse le plus loin à la limite ça peut me faire marrer. Mais faut trouver un autre gage que boire son urine. Ouais c'est ça, c'est moi, dégueulasse. J'avais écrit mon prénom en pissant sur un mur un jour. C'est super ça. D'accord, ça, merci beaucoup Amir. Anecdote de merde. Cela dit, c'est vraiment un jeu auquel nous on peut pas jouer. Non. T'as déjà essayé de faire pipi debout, Marion? Bah non, pourquoi j'aurais fait ça en fait? Bah parce que moi j'ai essayé quand j'étais petite. Ah bon? J'en ai foutu partout, je me suis fait défoncer par ma mère. Ça me dégoûte. Oh putain. Mais attendez, mais toutes les filles, appelez-moi auditrice de Fun Radio 01 42 48 5000 et sur les réseaux, dites-moi que je suis pas la seule à avoir essayé de faire pipi debout. Bah oui, tout le monde a déjà fait ça et maintenant ils vendent des petits trucs en plastique. Mmh. Jetables, vous les mettez entre les jambes, ouais, t'as vu Thibaut? Ouais. Mais et oui, pouf. C'est des entonnoirs. Mais non, Marion, un entonnoir, voyons quand même. Mais si, c'est une forme d'entonnoir. Non. Mais si. Mais tu fais pipi. Bah oui, je sais, dans un entonnoir. Mais non, mais un entonnoir, c'est un bout extrêmement évasé, Marion. C'est un tube, un tuyau, quoi. Bah, ça y ressemble quand même. On va vous trouver la photo, on va vous balancer ça sur les réseaux. Gabriel, en tout cas, merci parce que tu as déclenché chez nous un énorme débat. Claire. Qui va faire beaucoup d'audience, je crois. Anto? Oui. Ouais, c'est possible de vous remercier du coup pour l'iPad mini que j'avais gagné chez vous en mai. Bah, tu viens de le faire, c'est... pardon. Ah, bah, c'est cool. Eh bah grave. Il est reçu en juillet, mais en tout cas il est très bien, merci beaucoup. Ah bah super, bah écoute on est content Gab. Il a mis un petit... Elle s'étouffe. Attention, elle s'étouffe. Elle s'étouffe. Qu'est-ce que tu voulais dire Marion? Bon attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire au revoir Gab. Je t'embrasse très fort. Et puis vous restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et le Pourquoi tu m'appelles c'est le grand retour, le premier de la saison. Retrouverons-nous Marion en vie ou pas dans un instant? Marion, dis-nous un mot quand même. Voilà. Bah, j'espère qu'elle sera de retour. On se retrouve juste après Bob Sinclair sur Fun Radio. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre là sur Fun Radio. C'est la première du Night Show saison 2. On est hyper contents de vous retrouver en direct avec vous jusqu'à minuit. Donc on a largement le temps de profiter de vous encore une fois. Et puis si vous ne nous connaissez pas sur YouTube, c'est le moment de nous découvrir avec nos vidéos. La Marion et Anso, c'est notre chaîne. On a mis une nouvelle vidéo pendant l'été. C'est celle du manoir. On a testé le manoir de Paris avec Marion. Je crois que... Bah, alors c'est marrant parce qu'au début de la vidéo, bah, j'ai les cheveux normaux. Puis bon, bah, en fin de vidéo, j'ai les cheveux complètement trempés. J'ai eu tellement peur que j'en ai sué. C'est vachement glamour. Tu as perdu toute dignité aussi, hein, je te le dis. Ah bah tout amour propre. Hein. Allez voir puis commenter, ça me fera plaisir, tiens. Pourquoi tu m'appelles ? J'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé, monsieur. J'ai appelé personne, putain, que tu te fais chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors là, je vous le dis, je suis joie, je suis excitation. Ah, moi aussi, de ouf. C'est le premier Pourquoi tu m'appelles de la saison 2. Si vous nous rejoignez, si vous découvrez cette émission ce soir, le Pourquoi tu m'appelles, eh ben c'est très simple. Le but étant d'appeler quelqu'un au hasard en France et de dire pourquoi tu m'appelles et de tenir le plus longtemps possible. Tu sais qu'on s'est amusé à faire ça avec mon meilleur pote quand je suis allée le voir aux États-Unis. Ouais. Et j'ai tenu une seconde. En ouais, les gars. J'ai dit hello, why do you call me? Et ça n'a pas marché. Et voilà. Alors j'espère que pour cette saison tu seras meilleur parce qu'en gros on peut le dire, toi t'étais moyenne. Ouais, le bulletin était pas très très bon sur la première année, on va pas se mentir. Pour vous inscrire, c'est très simple. Ça se passe sur le Facebook de l'émission Marion et Anso ou avec le mail marion@funradio.fr. Cette semaine, on vous offre des sacs à dos de ouf. Ouais, ils sont chambés. La marque s'appelle Cuts et franchement, on les kiffe. Ils sont stylés. Il y a des poches modulables. Ça vaut quand même un petit peu cher tout ça, donc c'est sympa. Ouais, franchement, et c'est Valentin qui joue avec nous de Tourcoing. Tourcoing. Ouais, pas du tout cet accent-là, Tourcoing d'ailleurs. Non. Bonsoir. Non, du tout. Du tout. Salut les filles, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va? Ça va bien. Je suis content d'être avec vous. Ah bah nous aussi, on est très content de t'entendre. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Ah bah oui, ça a été, avec une petite opération, mais ça a été. Oh bah zut alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis écrasé le doigt dans le siège auto sur la route des vacances parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, alors on a une prise à une cigare derrière le siège. Oula. Donc j'ai voulu abaisser le siège, sauf que mon frère a poussé le siège et donc du coup mon doigt était dedans. C'est marrant parce que t'as donné beaucoup de détails et j'ai rien compris. Moi j'ai juste compris que son doigt est mort quoi. Ouais c'est ça. Bon, Valentin, c'est pas grave, tu as un doigt mort, mais tu vas peut-être gagner un sac à dos. Et ça, c'est bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vas affronter qui ce soir? Pourquoi tu m'appelles? Eh ben, je vais affronter Anso. Ok, Valentin. Alors, Valentin, si tu as suivi la saison 1, tu sais que nous, on se donne des petits handicaps pour que ce soit plus facile pour vous. Tout à fait. On va continuer. Je vais imposer quelque chose à Anso. Vas-y. Et comme elle m'a beaucoup manqué... C'est ta petite voix, chérie. Ah, la voix de la petite fille que tu tiens très bien. La petite fille cochonne, d'ailleurs, et un peu trash. Ouais, et alors, il y a une nouveauté cette année. J'ai décidé qu'elle serait aussi psychopathe cette année. D'accord. Ouais, genre tueur en série, tout ça. Tout ce qui est enfant qu'on a envie de garder, quoi. Ouais, la petite fille de pépère, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, tu y vas. Tu nous fais un pourquoi tu m'appelles avec cette voix-là. Et tu essaies de tenir, chérie. Ok, bouge pas, Valentin. Je me lance. C'est parti. Bon courage. Merci à toi. Fair play. Oh bah, ça, c'est tous les Valentins, ça. Ils sont comme ça. Bon, va, ça. C'est le Valouche. Oh. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Allô? Oui. Allô? Allô? Ouais, allô, oui. Oui, monsieur, en fait, j'ai poussé mamie dans l'escalier et maintenant elle dort. Et je vous laisse. Ah bah, qui veut... Et du coup, ben, voilà, j'aimerais savoir pourquoi tu m'appelles. Ah ben, moi, j'ai pas appelé, hein. Et est-ce que vous savez, monsieur, que moi, pendant les vacances, eh ben, j'aimais bien mettre des légumes dans mes fesses. Oui, bon, ça va, allez, bonne nuit, hein. Eh, mais c'est vachement bien, les courgettes. Oui, attendez, je vous passe à mon frère. Ah ben ouais, j'aimerais bien lui parler. Allô? Allô? Oui? Pourquoi tu m'appelles? C'est comme ça. Et aussi, j'aime bien les pastèques dans les fesses. Allô? Tu veux pas me passer ta bite? Oh non! Hey, c'était pas mal! C'était pas mal. Bon, Thibaut à l'arrière, combien de temps j'ai fait? 1 minute 17. Oh. 1 minute 17, c'est pas mal. Hein. Franchement, pour une première, pour une reprise, on valide. J'ai senti comme un accent corse. On était en Corse au standard, les gars? Oh, j'adore les Corses. Yes. Oui, moi aussi. La Corse, de toute façon, la Corse, c'est quoi? C'est notre patrie. L'île de beauté. Valentin, 1 minute 17 à battre. Franchement, on l'a déjà vu, c'est faisable. Oui, surtout qu'il n'y a pas de handicap. Est-ce que tu as une stratégie? Bon, non, je compte voir ce qu'il va me dire déjà. Ok, improvise alors. Allez, c'est parti, Valentin. Ton sac à dos est au bout du couloir. Voilà. Pour la rentrée, en plus, j'ai envie de dire. Un sac à dos, ça sert tout le temps, tu sais, Marie. En cas de rando. fais beaucoup de rando. Ouais. Si moi. Avec ma gourde. Les gourdes, c'est quand même très pratique. Ah ben. Allô ? Allô, oui, bonjour. Allô. Pourquoi tu m'appelles ? Comment ? Pourquoi tu m'appelles ? Ben non, je vous ai pas appelé. Ah, vous m'avez pas appelé ? Non. Ah, parce que c'est bizarre en fait, parce que je sais pas si vous avez eu la même chose chez vous, mais moi, mon portable vient de sonner. Ben en fait, moi, il vient de sonner. Ah, il vient de sonner aussi ? Oui. Ah ben c'est marrant. Dites, ben qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut peut-être remplir une demande auprès de notre opérateur téléphonique, non ? Pour eux ? Ben je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas, votre téléphone sonne, le mien aussi. Vous êtes sûr de pas m'avoir appelé ? Et vous vous appelez comment ? Moi c'est Valentin. Enchanté Valentin. Et vous, enfin vous ne m'avez pas appelé par rapport à des choses sur les bons coins ? Ah, c'est pas vous qui vendez des jeux de Xbox One ? Des quoi ? Des jeux de Xbox One. Non, c'est pas moi. Ah bon ? Bah sinon, comment dire, c'est quoi votre prénom à vous ? C'est Linda. Linda ? Voilà. Ah d'accord. Et vous habitez où, Linda ? Bah écoutez, on va pas continuer comme ça, mais voilà. Ben bonne continuation. Bah attendez, j'aimerais bien savoir où vous habitez quand même, parce que peut-être vous habitez à côté de chez moi. Il me demande où j'habite. Allô ? Elle est partie. Ah, ah mince ! Bravo Valentin. Ah pas mal du tout, elle avait l'air adorable cette Linda là. Ouais, puis elle était toute émoustillée. Oh bah non Valentin. Bon, et j'ai l'impression que c'est dans la poche, il a fait combien Thibaut ? Il a fait 1 minute 25. Eh bah bravo ! Franchement, oh, bravo. Cool. Premier pourquoi tu m'appelles de l'année, première victoire de Valentin. J'aime ça. Oh, moi aussi. C'était très drôle en plus. Merci beaucoup, merci les filles. Valentin, on t'envoie ton sac à dos Cuts. Tu vas voir, tu vas te régaler, c'est de toute beauté. Trop cool, merci beaucoup les filles, merci Fun Radio. À bientôt, poteau. À bientôt avec grand, grand plaisir. Dans quelques minutes sur Fun Radio, ça y est, on va enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Anso a-t-elle pécho ou non aux États-Unis ? Je suis en suspense. Enfin, moi, je suis au courant, mais je suis quand même en suspense. T'es au courant, mais le reste de l'équipe, ils sont comme des ouf. Alors, est-ce qu'on va décevoir les gens ? Est-ce qu'on va ravir les gens ? On va tout savoir. Est-ce qu'elle a pécho ? Est-ce que l'Américain a de la grosse tub ? C'est la question du soir dans le Night Show. Bougez pas, on vient juste après Cachemire sur Fun. Ça sent pas ça ? Marion et Anso, le Night Show. Bah, c'est nous, la petite brune, la petite blonde. On est hyper contente de vous retrouver. C'est la première de la saison 2. Oui. Et franchement, merci beaucoup pour tous vos messages parce qu'on vous voit, on lit tout et ça nous fait plaisir en fait. On essaie de répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué. Je vous cache pas les MP, tout ça, mais on est là. Et surtout, Anso, on a lancé la grande question du soir. Est-ce que oui ou non, tu as réussi à pécho un Américain, un Chase, un Brandon? C'est vraiment le dossier du soir. Je me suis retenue tout l'été de rien dire, de pas chambrer, de absolument rien dire. On a lancé un sondage là sur Twitter. Amir, je crois qu'ils sont 63% à dire oui, on pense qu'Anso a pécho. C'est exactement ça, Marion. Ils sont assez confiants. Donc continuez là à nous pronostiquer tout ça. Bon, il n'y a rien à gagner, mais non, ça nous fait plaisir. C'est une émission participative, quoi. Mais comment ça se passe? Je le dis maintenant ou j'attends un petit peu? Tu attends. Tout ce que je peux dire, c'est que Anso, elle a quand même eu des techniques de drague un peu directes. Oui. C'est-à-dire que, bon, bah, j'ai toutes les captures d'écran. T'as envoyé du pâté, quoi. Ah, j'ai envoyé du Tinder à fond. Donc, dans un instant, on va découvrir si elle a pécho. On va découvrir comment elle a fait pour draguer. Et surtout, on va vous poser la question, est-ce que vous avez déjà dragué comme ça de manière un petit peu directe ou vous êtes fait draguer de manière directe? C'est le dossier du soir. 01 42 48 5000. Appelez-nous et puis, bah, nous, on revient tout de suite. Accrochez-vous! Salut, c'est Bruno. Je reviens le 29 août avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun Radio. Bon, j'ai enlevé les plus nuls. On fait l'appel? Christina, présente. Karina. Mika. Et Anto du JPI. Présent. Brechet, présent, frère. Meryl. Nicolas du Web. On est là. Tonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Bon. Bah, tout le monde est resté, visiblement. Bruno dans la radio revient pour une nouvelle saison. Encore plus dingue. Ça y est, je suis prêt. Rendez-vous lundi matin dès 6h sur Fun Radio. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. L'une a pécho l'Amérique. Oh yeah! L'autre a enflammé la Corse. C'est ça, ouais. Mais les vacances, c'est fini. Alors on retourne bosser, ok? Je ne suis pas vexée! Bon bah ok, ça va, faites comme vous voulez. Night Show. De 22h à minuit, Marion et Anso sont de retour pour la saison 2 du Night Show sur Fun Radio. Et ça y est, les amis, il est 23h16. C'est toujours Marion et Anso, on est en direct comme chaque soir. Et il va être temps de découvrir si notre chaudasse, notre petite blonde adorée, hein, celle qui a passé sa saison 1 à essayer de pécho, elle a réussi quand même. Elle avait une vie sexuelle assez dévergondée. Mais tout ce qui est histoire sérieuse, tout ça, non, on n'était pas trop sur le coup, quoi. On n'a pas encore réussi, ouais. Alors Anso, avant de partir en vacances, elle nous a dit, voilà, quoi qu'il arrive, il faut que cet été, j'arrive à pécho un Américain. Je veux du Chase. J'ai que ce nom-là en tête, moi. Bah, je suis une mauvaise. En fait, il faut dire un truc, c'est qu'on n'a quand même pas l'occasion d'aller aux États-Unis toutes les 5 minutes. C'est ça. J'ai eu la chance d'y rester 15 jours pleins. Voilà. Donc, je me suis dit, si je chope pas là-bas, mais qu'est-ce qui me reste dans la vie, quoi? Où est mon amour propre? Où est ma dignité? Alors je vous le dis. Oui, j'ai rencontré du Clayton. Oui, j'ai rencontré du Chase. J'ai également rencontré du Chris. Sur Tinder, j'ai parlé avec Avi. J'ai parlé avec d'autres garçons. Et je vous le dis ce soir, la France. Alors. Attends. Quoi? Non, je n'ai pas pêché aux États-Unis. Non. Sale merde. Non. T'es naze. C'est impossible, ça. Mais c'est qui, elle? Alors attendez. Bon, rien. Je vais vous expliquer parce que moi j'ai eu les débriefs en temps et en heure. Vraiment, elle a tout donné. J'ai les captures d'écran puisqu'Anso était sur Tinder aux États-Unis. Ouais. Donc elle a discuté notamment avec un certain Avi qui est extrêmement beau gosse. Alors Avi, il faut savoir qu'il est extrêmement beau gosse et que je savais pas, mais que c'est un photographe de renom puisqu'il a 20 000 followers sur Instagram. Oui. Ah bon? Ouais, il fait des photos de ouf avec son chien. Voilà, on savait pas, hein. J'ai tenté le tout pour le tout, je ne cache pas. C'est vrai qu'ils ont discuté. Ouais. Honnêtement, au début, ça n'a pas trop d'intérêt. Elle est très vite rentrée dans le vif du sujet. Anso lui dit, je vous le fais en français parce qu'en anglais, I live in Wednesday. En gros, je pars mercredi. Est-ce que tu veux me voir, même si je parle super mal en anglais? Donc lui, il lui dit, ok, j'ai très envie de te voir, machin, tu parles mal en anglais, mais je suis sûre que ça sonne très sexy. Tout ça avec son anglais parfait, Anso. Hein. Elle répond, si tu as un appartement et si tu vis seule, peut-être qu'on pourrait passer un super moment ensemble. I know it's pretty direct. Bah ouais, sans déconner, ouais. Mais on peut appeler ça the friend touch, elle a dit. Tu peux appeler ça la French touch, je lui ai dit. Et lui, il dit I love the friend touch, all by myself, et machin. Et il lui dit j'ai une énorme baraque. Du coup, elle enchaîne. La veille, elle lui dit ah ouais, alors celui-là, faut que je le lise parce qu'il est magnifique. Je le lis en anglais. Before our rendezvous, you have to know something. Donc tu dois savoir quelque chose. I can text with you en anglais. En gros, je peux t'écrire en anglais because it's comfortable. Mais honnêtement, je suis nulle à l'oral, elle lui dit en gros, tu vois. Mais elle lui dit après, les gars, écoutez bien. But I'm sure we can talk together with the body language. En gros, je suis sûre qu'on va pouvoir parler avec notre corps. Avec le langage du corps. Ouais. Et sauf que là, à partir de ce moment-là, plus de réponse de la personne. En fait, en vrai, en réalité, je vous explique, il m'a dit ok, d'accord, retrouvons-nous vers 5h chez moi. Donc je lui dis d'accord, donc il me donne son adresse et tout ça. Et le soir, je lui dis bon, toujours ok pour demain. Et il m'a jamais répondu. Il m'a répondu le surlendemain en me disant mon chien a eu un gros problème. J'étais à l'hôpital avec mon chien, qui est gros mytho. Et donc je lui réponds. Il me dit mais tu pars vraiment demain? Je lui dis non, finalement je pars après-demain. Donc si tu veux, on peut se voir. Il m'a jamais répondu. Voilà. Donc le mytho du chien, évidemment, c'est un formidable échec. Anso, tu n'as même pas réussi à rouler une pelle. Non. On est déçus. Oh, là. Mais à côté de ça, quand même, je suis allée à Universal Studios. On s'en fout. Ouais, j'ai vu la merde. Inside. Enfin, tu vois, j'ai quand même kiffé, quoi. Alors, un mec, t'as pas chopé ça outre-Atlantique, sérieux. Bah, c'est pas possible, meuf. T'aurais pu le faire au moins pour la perf. Ah, je vais vous dire que je parle pas du tout anglais. C'est chaud aussi. Bah, non, ça va. Alors, vous emballez pas ce qu'on va faire. C'est pas grave, Anso. Tu vas devoir te rattraper ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans quelques minutes, tu vas devoir appeler quelqu'un en Amérique. Oh là là là là, la tanasse. Ouais, je sais qu'il est 9h de moins là-bas, mais tu vas devoir appeler quelqu'un en Amérique et tenter de draguer cette personne. Au standard, ils vont nous caler des numéros. Et puis, bah, bonne chance à toi, tu vas faire ta chaudasse en anglais. Cela dit, ça va, il est 14h20, on doit bien tomber sur des gens qui sont debout, quoi. Bah, j'espère qu'ils vont te comprendre, surtout avec ton anglais de merde. Mais en tout cas, bonne chance, c'est ton gage du soir parce que tu as été mauvaise et tu dois ça à la France. Mais on fait maintenant, là? Non, là, on va prendre 2-3 auditeurs puisqu'on vous a posé la question, là. Quelle est la technique de drague la plus ouf, la plus directe que vous avez utilisée? 01 42 48 5000, numéro gratuit. Ouais, il y a Fabien déjà de Paris qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Fabien. Salut les filles, ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va mieux depuis que vous êtes là. Hein. Oh, t'es un petit chat. C'est la reprise. Alors, est-ce que comme tout le monde, tu es déçu de la non-performance d'Anso? Déçu, c'est même pas le mot. Je suis mort là. Anéanti. Plus qu'une déception là, c'est un scandale. Non mais alors, et si vous voulez, j'ai une de mes copines avec qui je suis allée qui a roulé des pelles, elle. Bah oui, on l'embrasse, c'est Justine de Fun Radio. Oui, bah, ouais, c'est ça. On l'embrasse, mais moi j'ai perdu aussi, ouais. Bon, Bichon, est-ce que t'as dragué de manière directe ou est-ce que tu t'es fait draguer, toi? Ah non, moi je me suis fait draguer de manière plutôt directe. Alors, donc j'étais en train de me balader dans le rue avec des potes et il y a une fille, c'était il y a quelques années, qui est venue vers moi et qui donc m'a dit, bah écoute, je veux même pas savoir comment tu t'appelles, je veux juste ton numéro. D'accord. Je veux ton numéro de téléphone. Cache comme ça. Ouais. Bah oui, c'est. Et là, bon, déjà, en un premier temps, tu te sens un peu con. Bah ouais. C'est normal. Puis après, je dis, mais pourquoi? Je sais pas, je te connais pas. Non, mais je veux ton numéro, écoute, tu. Donne-le-moi. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que je t'aime bien, t'es beau, tu. Donne-le-moi. Puis bon, bah, étant un homme, forcément, je vais donner. Ouais. Je suis faible. Et donc, parce qu'il a démarré sur un. À la base, c'était un plan cul. Et maintenant, ça fait 6 ans et on a un enfant. Oh, wow. Génial. Oh là là là là là, ah, c'est super. Et d'ailleurs, on était tombé sur une anecdote comme ça sur internet avec Marion, où c'est un mec, un routier qui était dans les toilettes du routier. Et tu sais, il y a des trous parfois pour que les hommes puissent mettre leur sexe. Ouais. Hein, au cas où une, voilà, c'est ça, le glory hole, pour que au cas où une bouche arriverait. Et donc il y avait un numéro juste à côté avec appelle-moi pour du bon sexe. Donc le mec a commencé à envoyer des textos à la nana. Ils se sont finalement rencontrés, se sont rendu compte que c'était une grosse vanne des potes de la nana, et ils sont ensemble, ils ont des enfants et tout. Ah, c'est énorme. Beau, hein. Bah comme quoi. Mais tu vas dire quoi à tes enfants quand on va te dire papa maman, vous êtes rencontrés comment? Bah ouais, c'est chaud, ouais, sur Tinder. Non, tu dis que c'était une vanne, mais c'est bien joué. Franchement, c'est cool parce qu'elle a été culottée, cette meuf, avec toi, Fabien. Franchement. Ouais. Ouais. Ah bah je peux dire que quand ça arrive, tu te sens con en un premier temps. Et bah si ça a marché, en tout cas tant mieux. On est hyper contente pour vous. Bravo. Ah bah oui, merci. On t'embrasse, mon Fabien. Allez, bisous. Bisous et plein de bonheur à vous. Il y a Pierre aussi de Lyon qui est avec nous. Bonsoir à toi, Pierre. Salut Marion, salut Anso. Ça va, Pierre? Ça va, content de vous retrouver. Bon, toi aussi, j'imagine, très déçu par l'attitude d'Anso. je, j'attendais mieux de la part de la France. Les gars, on dirait que j'ai trahi mon pays, quoi. Mais arrêtez. Tu avais promis que tu le ferais, Anso. Non, j'avais promis que j'essaierais. Rien ne dit que les tu vois, les Américains ont pas envie de choper de l'Anso, c'est tout, quoi. Mais si, arrête. Non, les Américains sont pas prêts, c'est tout. Ils sont pas prêts à accueillir la France. Ils adorent les Françaises. Ouais, je pense qu'ils adorent pas les Françaises chaudasses, par contre. Ils ont un peu peur de ça, quoi. Bon, dis-nous, toi, poto, est-ce que t'as dragué comme ça un peu direct ou l'inverse? Ouais, j'ai fait un peu mon gros bourrin, en fait, si tu veux. J'étais un peu en chien depuis un moment. Et en arrivant au lycée à 8h, j'ai trouvé la première fille de ma classe qui était devant moi. Je lui ai fait des petits regards comme ça. Et puis directement, j'ai été l'embrasser. Gros smack. Et ça a duré un petit peu longtemps. Et elle m'a regardé, elle m'a mis une énorme gifle. Ah bah elle ouais. S'attendait pas du tout à ça. Bah ouais, mais ça, il faut jamais faire. Ça fait psycho. Hein. Le mec arrive direct, il te roule une pelle, c'est pas possible. Non, mais t'embrasses la nana quand tu sens qu'il y a un jeu de regard, qu'il y a comme ça un échange, le eye contact et tout, quoi. Ouais. Et tu vas pas comme ça à brûle pour point. Faut qu'elle soit prête, en plus, surtout quand elles sont jeunes comme ça, au bahut et tout. En général, non, tu vois, tu te fixes un rendez-vous, tu la vois à l'extérieur, tu fais pas ça. Ouais. C'est pas possible. Bon, Pierre, t'as jamais recommencé? Non, je pense que ça, là, ça m'a suffi. Là. Depuis, j'ai arrêté. Mais bon. T'as une meuf, là? En ce moment, ouais. Et je l'ai pas dragué comme ça. Et ben voilà, plus romantique, j'imagine. Oui, plus romantique, à base de regards, fleurs et tout le bazar, quoi. C'est et bien, tout bon. Le et tout le bazar. Et tout le bazar. On va c'est-à-dire que tout est un bazar. T'es un beurre, c'est très bien. Continue comme ça, on te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bisous à toi, Pierre. Bisous. On t'embrasse, il y a Stéphanie aussi de Fréjus. Bonsoir, Steph. Salut les filles. Salut Steph. Ça va? Ouais, et vous? Je suis super contente de vous retrouver. Ah, moi aussi, chérie. Tu nous as manqué. T'as quel âge, toi? 28 ans. D'accord. Et alors, c'est toi qui drague de manière directe ou non? Ah non, moi je me suis fait draguer d'une manière très très particulière. Ah bah raconte. J'étais au Franprix et en fait j'ai un mec derrière moi qui a déposé sur mes tomates un paquet de capotes avec son numéro de téléphone. Très fort. Johnny Subtilité. Ouais, mais c'est drôle. Autant vous dire que j'ai trouvé ça assez couillu. Ouais, c'est le cas de le dire, mais est-ce que ça t'a fait rire ou est-ce que ça t'a dégoûté? Bah, en fait, ça m'a fait rire intérieurement, mais sur le moment, j'ai quand même été un peu choquée. Donc, j'ai ouvert la boîte de capotes et je lui ai balancé à la gueule. Oh non. Et franchement, moi, une technique comme ça peut me faire marrer. Si le gars est un peu beau gosse, genre en mode un peu je te charrie, ouais. Ça peut me faire marrer, moi. Ah ouais, c'est ingénieux, quoi. T'y penses pas souvent de mettre des capotes avec ton numéro dedans. Bah donc, ouais, mais il brûlait un peu les étapes pour moi, là. Ok, donc. Bah, moi, il se protège, hein. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Très bon signe de sa part, ça veut dire comment il met des capotes. Ouais, c'est on est pour la capote. Ouais, mais il était dégueulasse en plus. Donc... Oh, c'est méchant. Chérie, est-ce que t'as un mec depuis ou pas? Oui, j'ai trouvé, mais pas celui qui m'offre des capotes dans mon panier de course, tu vois. Ouais. Et ça fait plaisir, vous êtes tous maqués et heureux ce soir. Ouais. C'est beau. C'est bien, ça montre qu'il y a de l'espoir dans le monde. Stéphanie, chérie, reste avec nous parce que ça va être le moment de mettre Anso en galère. Tu vas voir, tu vas te marrer à mon avis. Ok, ça marche. Bisous. Allez, bisous. Manso, est-ce que t'es prête? Vas-y. Je te redis ton défi, vu que tu as raté ton défi de l'été, à savoir pécho du ricain. Il va falloir que tu appelles, là on t'a préparé plusieurs numéros, okay. Aux États-Unis et que tu essayes de draguer la personne. Je rappelle qu'il est 14h27 aux États-Unis, enfin à Los Angeles. J'imagine que vous avez pris des numéros de téléphone de là-bas. Sois bonne, sois sexy, on y va, on appelle, je le sens bien. Hello? Hello? Hi. Yeah. Do you hear me? No. Okay. So, I am Anso from Paris. Allô? C'est une meuf. Bah oui, alors. Ouais. Allô? Oh bah non, mais merde! C'est parti. Bah vas-y, on entend un autre. Attends, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Elle a dit non. Elle était pas motivée. ça va. Il faut un mec. Hello. Please leave a message after the tone. Hi, this is Anso from Paris, and do you know Amélie Poulain, Lardèche, Le Provence, Alpes, Côte d'Azur? You know, I'm a French girl, but I'm very hot, no. And I cherche a boyfriend, so call me back, 01 42 48 5000, bye and kiss! Alexandre! Ah, c'est un répondeur, chérie! Bon, c'est pas grave, ouais. Au moins, le gars va rien comprendre, c'est il va voir ça. Allez, on en refait un. On va y arriver quand même. Oh, j'espère. Hello. Hello? Yeah, who is this? Can you hear me? Yes. Hi, I'm French girl. My name is Anso. I'm a petite femme sympa sympa. And very hot. Do you have a girlfriend? You need to lose this number. Sorry, but you mange tes mots, so I don't understand. Excuse me for the derangement, but what color is your eyes? Do you want to fuck me? Mais quel échec! Il n'était pas américain, c'est pas possible! Bah pourquoi? Bah je sais pas, il avait un. Non, il avait un accent de. Ouais. Bon, d'Asie! D'Asie, quoi, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, non, j'essaie mais... de me sortir de ça en fait. En tout cas, très belle progression en anglais parce que t'étais pas aussi douée avant de partir en vacances. Ah bah merci, c'est sympa! Je te félicite, mais tu ne l'as toujours pas pécho, c'est un échec! D'accord! Bon bah puisque j'ai plus de dignité du tout, et puis que je peux ranger tout ce qui est amour propre, tout ça, tout à fait. Je vous propose que dans un instant, vous allez découvrir le tout nouveau jeu du Night Show, ça s'appelle le Pokélost. Oui. Vous allez découvrir ça, on s'est marré à le créer pour vous. 01 42 48 5000 pour participer à l'émission. On se retrouve après Galantis. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. Fun Radio, c'est Marion et Anso, on est en direct avec vous en plus de 22h à minuit, comme ça on interagit de manière plus évidente. 01 42 48 5000, et là je vais vous poster une info sur les réseaux sociaux que je viens de voir, c'est les sextoys Pokémon. Ah ça existe ça. Ça existe, alors c'est assez cher, ça coûte en moyenne entre 60 et 65 euros, c'est à trouver sur le site Etsy, et donc il y en a un en forme de tortue, un en forme de salamèche sans doute, parce qu'il a une mèche rouge, puis il y en a un qui est clairement en forme de tub, hein. Désolée mais c'est un peu chelou quoi. Merci pour l'info, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se faire godé par Pikachu. Pikachu. Je suis pas sûre. Et c'est là qu'il te défonce le dos. Tiens, en parlant de Pokémon justement. Le Pokélost. Pikachu. Pokélost. Sur Fun Radio. C'est une nouveauté du Night Show parce que oui, cet été on a bossé avec Anso, on était motivés, on était à fond. Ah ouais, ça c'est sûr. Vous avez forcément vu la folie Pokémon Go, c'était l'appli qui a cartonné, hein. Moi j'ai vu que ça. Partout où j'allais, Corse, Croisic, les gens chassaient du Pokémon. Mais c'est un truc de ouf, toi, ils disaient que, tu me racontais qu'au bout de ta rue, ouais, il y a eu une émeute. Ce week-end j'étais à Angers et a priori il y avait un Pokémon rare parce qu'il y avait, je sais pas moi, une vingtaine de gens qui étaient là avec leur téléphone en train d'essayer de choper du Pokémon. Alors ça se trouve, ils étaient là pour pour toi. Non, mais peut-être qu'il y avait un accident. Des gens. Non, mais j'ai regardé quand même, Amira. Le principe du jeu est très simple. Ça s'appelle Pokélost. En gros, vous allez nous appeler et faire croire à votre père ou à votre mère que vous êtes en train de chercher du Pokémon et que vous êtes perdu. Ouais. L'idée, c'est que papa ou maman déjà s'énervent parce que ça nous fait marrer et viennent vous récupérer. C'est-à-dire que s'il dit OK, j'arrive, c'est bon, t'es où ? C'est gagné. Voilà, simple. C'est simple et il y a du gros cadeau à gagner en plus. C'est Tessa qui joue avec nous ce soir. Bonsoir, Tessa. Salut l'équipe, ça va ? Salut. Ouais, salut Tessa. J'aime bien ce prénom. Ça va Tessa ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Chasseuse de Pokémon, Tessa, ça s'entend ? Ah bah oui, bah carrément. Alors on est comment sur la chasse ? Bah écoute, là ça va, niveau 17, des bons Pokémon, on essaye de capturer des arènes, ça va ? Tranquille quoi. Tranquille quoi, on est dans l'arène. Est-ce que ça te parle si je te parle d'un Pokémon qui s'appelle Florizarre ? Oui. Et bah tu sais que j'ai un pote à moi qui a chopé un Florizarre à l'état sauvage à San Francisco, il était comme un ouf. Alors moi j'y joue pas à Pokémon Go, mais il paraît que c'est un truc de dingue. Il paraît que c'est rare, le Florizarre. Ah bah Florizarre, bah carrément, c'est une dernière évolution avec Dracaufeu, Torpank. Oula, et écoute, Tessa, je te sors le Pokédex. Je l'adore. Bon, écoute Tessa, en tout cas, tu peux gagner ta PS4 plus le jeu No Man's Sky et en plus ton Florizarre si ton papa ou ta maman veut bien venir te chercher ce soir. C'est loin. Ah yes, parfait. On alors, appelle qui alors ? Alors on l'appelle ma maman. Ok. Elle s'appelle comment ? Estelle. Estelle, ok. Eh ben écoute, c'est parti, Tessa, j'espère que t'as prévu ton petit truc. Il faut que tu sois bloqué dans un endroit bien glauque, hein, sinon c'est pas marrant. Ah oui, pas de problème, je sais pas où je suis. C'est bien, d'accord. Fais trop rire, Tessa, elle est à fond. Oui, maman ? Allô ? Oui, est-ce que tu peux quitter Noël pour une seconde ? Que tu fais du bruit ? C'est bon, quoi ? Ouais, en fait, je t'appelle... en fait, tu sais, je prenais le bus pour aller à Caen. Oui. Et du coup j'ai un petit problème en fait si tu veux, attends je vais t'expliquer. En fait si tu veux je jouais à Pokémon Go dans le bus. Oui. Donc voilà il y avait des Pokémon nuls, ratata, voilà. Bon allez vas-y. Putain. Et du coup en fait je me suis arrêtée un petit peu avant d'aller à Caen. Et du coup je sais pas à quel arrêt je me suis arrêtée. Mais après il y a un monsieur qui a voulu me prendre en stop. Et du coup il m'a déposé pas loin de mon ville. Mais je sais pas où je suis en fait. Et pourquoi tu m'appelles en privé ? Bah, je t'ai dit tout à l'heure que ton téléphone il marchait pas, mais que tu peux... Bah, je peux venir me chercher, je sais pas du tout où je suis. Eh ben je sais pas si d'où c'est non plus, réfléchis ! Bah tu peux venir me... Bah tu veux, attends. Si tu veux, j'ai Pokémon Go là devant moi, je suis devant une arène rouge. Ah non, mais t'essayes de trouver un bus là, dans le coin ? Mais maman, je veux aller à Caen, mais du coup, vu que c'est Andreas qui vient me payer le retour, j'ai pas de quoi me payer le retour. Allô ? Tu sors ta carte bleue ? Mais je sais pas, mon portefeuille, j'ai juste pris les 5 euros qu'Alissa m'a donné tout à l'heure. Hein ? T'es sérieuse, là ? Je te jure, je suis désolée, mais vraiment, je suis désolée. Je savais pas que j'allais me perdre comme ça. Je sais même pas où t'es, alors, qu'est-ce que je te dis ? Bah attends, tu vois, j'ai vu que le radar, il marche pas, j'ai... Attends, 5 secondes. Attends, parce que j'ai un œuf en train d'éclore, là, sur Pokémon Go. Attends. Ah non, mais c'est juste un ratata. Non, mais ça, c'est de la merde. Ouais, donc, je suis devant une... Il y a écrit église, mobile, un truc dans le genre... S'il y a un ronflex sur l'arène, au pire, tu télécharges Pokémon Go et tu cherches un ronflex. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là ? Non, non, non, du tout. Au pire, je demande aux gens, bah, est-ce que tu veux venir me chercher ? Mais est-ce que j'ai le choix ? Bah, non. Donc, tu viens ? Mais j'ai pas que ça à foutre, putain, merde ! Bah, je suis désolée, je... Bah, je peux essayer de demander aux gens au fuite, mais bah, je peux pas rentrer sinon, quoi. Donc, je suis désolée, maman. Non, mais tu te fais déposer, tu sais même pas où ? Non, je suis désolée. Hein ? Tu vas pas demander de te déposer à quand ? Bah je lui ai demandé mais c'était un vieux, il était un peu bizarre donc je sais pas où c'est qu'il m'emmenait. Mais pourquoi t'es monté avec lui ? Bah je sais pas, parce qu'il voulait bien me prendre, je savais pas où j'étais, puis il voulait bien quoi donc Attends, t'as pu déjà voir où t'étais avant de monter avec n'importe qui ? Oui donc tu viens me chercher ou pas ? Putain. Bah je te rappelle après ! Non non non, vous savez maman ! Aïe aïe aïe ! Y'a pas que plus de batterie maman ! Aïe aïe aïe ! Rappelle-la. Non mais alors attends, elle est pas du tout inquiète pour toi quoi. Non mais surtout, attends Tessa, j'ai une question à te poser. Elle est dépressive ta maman en ce moment ou elle est à cran quoi ? Ah bah là, on vient de se réveiller de la sieste. Il y a mon frère qui pleure, je pense que oui, un petit peu à cran. Ah là. La pauvre. Ouais, bon, c'est chaud. En même temps c'est dur, tu lui annonces que t'as fait du stop, que t'es perdu à Caen, que tu sais pas où t'es et qu'elle doit en plus télécharger l'appli pour venir te récupérer. C'est un peu chaud. Bah, écoute, ouais, bah là je vais essayer de faire, je vais essayer de lui dire oui, viens me chercher, viens, je vais demander à quelqu'un, je sais où je suis là. Ah bah ouais, mais là chérie, là c'est un peu tard, on va la rappeler pour la prévenir, mais maman elle veut pas venir. Ouais, oui, maman elle veut pas venir. Non, qu'est-ce qu'on fait, la pauvre. Je pense que oui, je vais lui dire où je suis. Alors rappelle-la déjà, Anso, on va voir, mais normalement c'est perdu, hein, elle te laisse dans ta merde. Donc, non mais là Estelle, elle doit faire des convulsions et tout quoi. On va la rappeler, on va lui expliquer à maman quand même. Ouais. Oui. Allô, j'ai presque plus de batterie. Est-ce que tu viens me chercher ou pas? Oui, c'est bon, je vais venir te chercher. Ah, c'est gagné. Allô? Oui, maman? Oui. T'inquiète pas, je ne suis pas perdue. En fait, je suis chez papy, donc ça va. Chez papy? Estelle, oui. Estelle. Ouais. Bonsoir Estelle, c'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio. Ouais, en fait, vous avez joué à un jeu en fait. Tessa, elle devait vous faire croire qu'elle était perdue en jouant à Pokémon. D'accord. Et le but c'était que bah, vous acceptiez de venir la chercher. Ok. Et comme en plus vous avez fait ça avec, avec beaucoup de sympathie et d'amour, on s'est dit que c'était gagné quoi. Estelle, ça va la vie en ce moment? Vous n'êtes pas trop à cran? Non, ça va très bien, merci. Bon, et en tout cas, grâce à vous Estelle, Tessa repart avec sa PS4 et son jeu, donc c'est cool, merci beaucoup. Allez, c'est ma PS4. On vous envoie tout ça et Estelle, on vous envoie des antidépresseurs, on vous embrasse. Okay, merci, au revoir. Bisous. Anso, dans quelques instants, tu vas être contente. Pourquoi? Parce que pour la première fois de la saison 2, on va parler cul dans le Night Show. Wouh. Je savais que ça allait te faire plaisir. La question qu'on vous pose, c'est quelle est votre performance sexuelle de l'été? On a tous testé des trucs cet été. Le truc qui vous a fait kiffer, je sais pas, vous avez été plus long que d'habitude, vous avez tenté un nouveau dos, une nouvelle position, n'importe. Un truc qu'on aurait fait pour la première fois de notre vie. Genre un plan 1-3, genre ouais, votre performance, le truc dont vous êtes fier cet été, 01 42 48 5000, on en parle juste après ceux qui ont fait une performance incroyable. Pas niveau cul, je les connais pas, hein, mais c'est Snake et Bieber, j'adore ce son, bougez pas. Genre la meuf qui lance des rumeurs. I used to believe. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up. Mais qu'il est bon, DJ Snake et Justin Bieber sur Fun Radio. Ce titre, bah, c'est mon titre de l'été avec Ken Jones. Ouais. Je rappelle, les 50 ans, tu vois. Pardon, madame. Tout l'été, je l'ai eu en tête. Ouais. Madame. Avec Anne-Son, s'envoyait des snaps. Et puis, bah, l'album de Snake, quoi, une tuerie. C'est mes deux chouchous, quoi. Tu sais que j'ai tenté d'aller dans les endroits les plus squattés par Justin Bieber quand j'étais à Los Angeles. Ouais. Et bien, c'était un échec. Tout est un échec, en fait. Hein. C'était vraiment des vacances de merde. Mais il était pas là-bas, en plus. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Tu sais que moi je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout raconté mes vacances. Ah oui, mais raconte, t'étais parce où toi? J'ai quand même fait des trucs de ouf, je suis allée en Corse avec plein de potes. C'était vraiment hyper cool et je salue tous les Corses parce que honnêtement, il y en a plein qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils écoutaient le night show, que c'était hyper sympa et tout. Et que voilà, fallait qu'on continue, donc big up à tous les Corses. Et aussi je suis allée au Croisic de ouf, j'ai vu des dauphins, les gars. Ouais, c'est énorme. Mais des dauphins, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai pris le bateau, puisque mon papa a un bateau. Petit bateau, sans prétention. Voilà, on n'est pas sur un yacht. Mais voilà, et on a été sur une petite île. Et là, je sais pas, un banc de dauphins, un truc de ouf. Une vingtaine qui sont venus naviguer avec nous, jouer avec nous. Ouais. Je vous avais mis la vidéo sur les réseaux. Je sais pas si on peut la rebalancer, Amir. Ouais, on va faire remonter la vidéo. Ouais. Hyper cool. J'étais toute émue parce que moi, c'était une de mes premières rencontres, tu vois, avec des dauphins. J'aurais trop voulu nager avec eux, moi. Ouais, mais c'est dangereux, c'est quand même des animaux sauvages, tu vois, on sait jamais ce qui peut se passer. Faut pas les embêter, ils sont chez eux, voilà, tu vas sauter dedans. Tu profites, tu kiffes, tu les regardes, mais c'est attends, tu les embêtes pas, ils viennent te chercher sur ton bateau. Ouais, mais ils sont chez eux, nous on n'est pas chez eux. Ah, d'accord, et qu'est-ce qu'ils font chier à venir te faire chier sur ton bateau? C'est vrai. Ça commence. Et du coup, voilà, été au calme avec les potos, la famille et tout, mais je vais être très honnête, niveau cul. Je me suis déçue parce que je n'ai pas fait de performance sexuelle cet été. En même temps, toi, t'as tout fait, tout vu, tout entendu. Hein. Ouais, c'est vrai, j'embrasse mamie Annette qui est en train de m'écouter ce soir, oui, la fameuse. Mais non, cet été, rien de nouveau pour moi. Été tranquille, calme, mais je sais que Anso, toi, tu vas relever le niveau. Non. Avec une anecdote qui t'est arrivée cet été. Oui, j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée cet été. Parce qu'elle n'a pas pécho de l'américain. J'ai pas pécho aux États-Unis, mais j'ai un peu pécho en France. Alors, dis-nous tout. J'ai tenté pour la première fois de ma vie le dirty talk. Oh. Enfin, il a surtout tenté sur moi. J'étais pas prête. Hein. En fait, t'avais déjà fait, mais pas autant, quoi. Non. Enfin, en tout cas, je sais pas si lui, il avait déjà fait autant, mais lui, il était vraiment dans un porno, par contre. En gros, le dirty talk, c'est se dire des trucs très sales pendant l'amour, tu vois. Genre quoi, genre local poubelle, des trucs comme ça. Il est con, lui. C'est con, mon gars. Mais non, des trucs sales, mais sexuels, quoi. Benard. Non mais c'est des trucs un peu trash, genre je peux pas dire là, si. Mais non, ah bah si, je suis désolée. Il est 23h46, non, déjà, les gens veulent le savoir. Le mec a cru que j'étais une poupée, c'est-à-dire qu'il il me faisait virevolter dans tous les sens, et puis il me disait des trucs genre des trucs quoi. Je peux pas dire, je suis hyper gênée. Mais ah bah, si, allez, mais non, mais des trucs trash. Le plus soft du hard. Il y a pas de soft dans ce qu'il m'a dit. Non mais ça va, on va pas faire les choquer. Les 23h46. Mais si toi, vous êtes, tu le sais, toi. Bah je me rappelle plus, tu me l'as dit, mais non, je me rappelle. Ah si. Il t'a pas dit Non mais si, tu le sais toi aussi, Amir. Ouais, redis-le, s'il te plaît, c'est pas grave. Non mais il m'a dit des trucs genre par rapport à son sexe, enfin des trucs voilà, du dirty talk comme on pratique du dirty talk dans tous les pays du monde. Donne des exemples. Mais il y a pas d'exemple, les gars. Alors, arrêtez, c'est gênant. Tu sais quoi, c'est pas grave. On va la convaincre pendant la pub. Ne vous inquiétez pas. Okay. Les gars, on a 2 minutes là, à peine, parce qu'on revient très vite sur Fun Radio. Appelez-nous vous si vous avez fait une performance sexuelle pendant l'été, un truc de ouf, vous avez tenté un dos, une nouvelle position, n'importe, un nouvel endroit, un endroit insolite. 01 42 48 5000 et Anso, dans un instant, va nous révéler le contenu de son dirty talk. Non, mais j'ai un nouvel endroit où j'avais jamais fait. Ah, et ça, bah je voilà. Peux vous le révéler. Elle aura deux choses à dire, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. Kongs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. Fun. partenaire de l'Amnésia au Cap d'Agde. Cet été, venez retrouver tous les DJ Superstar Fun Radio avec des lives exceptionnels et des mix exclusifs en direct de l'Amnésia au Cap d'Agde. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Axwell, Don Diablo, Sébastien Grosso, Nervo, Afrojack, Steve Angelo, Hey, it's Showtech on Fun Radio, et plein d'autres surprises. Go! Les plus grosses soirées de l'été sont à l'Amnésia au Cap d'Agde. Et c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Sont de retour pour la saison 2 du Night Show sur Fun Radio. Et pour la première fois de l'année, on parle cul ce soir dans le Night Show avec cette question qu'on vous pose. Quelle est votre performance sexuelle de l'été? Oui. Alors, chacun a son niveau de la performance. Ça peut être un petit truc, genre vous l'avez fait pour la première fois, genre vous avez tenu plus de 30 minutes. Ça peut être n'importe quoi. On est ouvert à tout. 01 42 48 5000. Mais Anso, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, puisque voilà, c'est ta soirée ce soir. Ah oui, t'inquiète pas, ce sera pas comme ça tous les soirs, mais là ce soir tu nous as déçus avec ce défi pas relevé d'embrasser un Américain ou de coucher avec un Américain. Du coup, tu t'es confié à nous, tu nous as quand même dit que t'avais eu un plan cul cet été. Oui, non, mais j'ai couché avec un mec une fois en début d'été, là, début juillet. Voilà, et il a fait du dirty talk. Il a fait du dirty talk, mais genre à outrance. Genre, c'est le mec que je reverrai plus jamais de ma vie, ça m'a pas plu du tout. Je trouvais que c'était un peu trop violent et qu'on était un peu trop dans le. C'était pas violent tant que ça dans les actes, mais dans les mots, je me suis sentie un peu oppressée, tu vois. Alors, j'ai réussi à tirer une phrase de ce mec qui est déjà pas mal, et il paraît que c'est la moins trash de toutes. Hey. C'est tu vas rentrer en boitant. Le reste, je peux pas le dire parce que c'est trop choquant. L'insulte qui va avec et tout, je peux pas. Mais c'est vrai que c'est too much. Ouais, c'est complètement too much. Surtout quand c'est un garçon qui est pas spécialement à l'aise avec ses mots, donc il se donne un style. Ouais. Donc du coup, ça perd en sex appeal, ça perd en virilité, tu vois. C'est vrai que faites attention les mecs, parce que parfois, c'est vrai, ça peut nous exciter quand vous êtes un peu dans la provoque, vous nous donnez des noms comme ça, un petit peu. Si on est vraiment dans le délire et si on se connaît bien surtout. Voilà, c'est ça. Parce que un mec que tu as rencontré il y a pas longtemps, vous êtes en phase de séduction, tout ça, faut pas brûler les étapes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, on était allé boire des verres quand même un petit peu auparavant. Mm-hmm. On avait quand même essayé à apprendre à se connaître. Et puis d'un coup, il s'est complètement transformé. C'est-à-dire qu'au lit, il était quelqu'un mais de totalement différent. Donc voilà, donc ça m'a pas plu, donc je le reverrai plus. Mais... On valide pas celui-là, par contre. Ouais, tu as fait une autre performance, tu as fait un endroit insolite, c'était quoi? Oui, alors lui, je le vois depuis quand même très longtemps. Ouais. On s'aime bien, et voilà. Et alors là, j'ai couché dans le lit de ses parents. Ah ouais, ça c'est glauque. Ah, moi ça je peux pas. Non, mais c'était la première fois de ma vie. Bah, de quoi? Que tu couchais dans le lit de parents? Mais oui. C'est la, bah oui, c'est la première fois, sinon je le raconterais pas dans ce cadre-là. À la limite, quand t'es ado, jeune adulte, que tu découvres un peu ta sexualité, t'as pas forcément beaucoup d'endroits, tu vois. Donc parfois c'est les vacances, les parents sont pas là, tout ça, il y a le lit de place dans la chambre, t'y vas. Mais toi? Et bah là c'est pareil, son appart était en loc, ses parents étaient pas là, et puis voilà. Ah. Bon, est-ce que t'as kiffé, ça t'a excité ou pas? Ouais, ça c'était cool, puis c'était plutôt marrant, puis c'est un garçon que j'aime bien, donc c'était cool. On l'embrasse, s'il nous écoute. Voilà. 01 42 48 5000, venez nous raconter à vous vos performances sexuelles. Bon, toi, rien, hein, Marion. Bah, j'ai pas envie de vous mytho. Cet été, non, j'ai rien fait de ouf, quoi. Donc, d'accord. Non. Thibaut à la réa, pas de performance sexuelle? Non, je suis assez fier de moi, j'ai juste réussi à inaugurer toutes les pièces de mon appartement. Ah, voilà. C'est bien ça. Ouais. Et attends, il fait combien de pièces ton appart? 2 pièces. Oh merde, la déception. D'accord, donc il y avait quoi? Juste salle de bain, salle à manger quoi? Bah ouais, ma chambre et puis mon salon, mais c'est déjà cool. Ouais, c'est bien. Dis donc, Thibaut, c'est un show quoi. Ah ouais, il y va, Thibaut, il est au taquet. Enzo, standard, performance sexuelle ou pas? Ouais, j'en ai fait une belle cette année. Non, j'ai peur. J'ai fait l'amour dans une plage privée. Ah mais c'est nul de faire l'amour sur une plage. Pourquoi? Pourquoi? Non, dedans, dans la mer, dans le sel. Ah non, ça c'est. Mais ça fait mal! Ouais, c'était horrible. Mais alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre que vous sur la plage? C'est une plage privée, vers 23h, tout ça, petite baignade tout nu, sympa. D'accord. Bah, c'est excitant, mais je trouve quand même que c'est hyper désagréable dans la mer. Non, ça va, pour le coup, c'est plus après quand on sort, parce qu'on a plein de sel partout sur nos parties. Ouais. Mais après, du coup, j'en ai profité pour lui lécher la chatte, tu vois. Oh, ça va. Ah non, mais oui! Ah non! Non, un non, petit non, goût arrête, de salé, hop là. Mec, arrête, c'est la première, on va faire fuir des gens. Il y a peut-être des parents très bien intentionnés qui nous écoutent. Enzo, excuse-toi. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, mec. Et Thibaut, tu lui coupes son micro, je veux plus l'entendre, ce mec. Ouais, non, c'est coupé. Pas possible. Terminé. Amir, performance sexuelle cet été ou pas? Cet été? Ouais. Bah non, si j'ai découvert un truc, je peux avoir une érection sur commande. Mais genre? Ah ouais, bah il suffit que je pense et ça marche. Vas-y. Mais non. Bah, je sais pas, mais il est obligé d'enlever son pantalon. Non, non, oui, non. Par contre, non, en vrai, non, c'est pareil. Mais j'ai découvert un truc quand je suis fatigué. Quand vraiment je suis fatigué, et ben. C'est... T'es en érection, mais tous les garçons font ça. Hein. T'es pas le seul, hein. Ouais. Ça fait ça absolument tous les garçons. Ah, tous les garçons de cette pièce. Non. Ouais, ouais. Moi, non, franchement, non. Bah, si, mec. La fatigue en général, ça part tout seul. C'est parce que le cerveau contrôle plus rien. Bah, bien sûr. C'est scientifique. Tu demanderas au doc. Okay. Il y a Mathieu de Chartres là qui nous a appelé. Bonsoir, Mathieu. Salut ici, salut toute l'équipe. Ça va le mat? Impeccable, super, content de vous avoir. T'es le premier auditeur ce soir qui va parler cul, et ben ça nous fait bien plaisir. Bah, je suis ravi aussi, hein, je suis ravi. C'était quoi ta performance à toi? Bah, pendant les vacances cet été, je me suis tapé une meuf de 50 ans et j'ai kiffé ma vie, mais de ouf quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Parce que t'as 21 ans toi. C'est ça, ouais. Alors raconte, tu l'as rencontrée comment? Est-ce qu'elle était bien? On veut tout savoir. Eh ben écoute, on part en vacances avec 4 potes en Bretagne, dans un centre de vacances. Et puis, dès le premier soir, je repère la directrice du camping, donc la fameuse personne de 50 piges. J'aime beaucoup la personne physiquement, elle me plaît bien. Donc, il y a 2 soirées chaque vendredi, on est parti 2 semaines. Première soirée, je lui paye quelques coups à boire, on s'entend bien, ça passe bien. Et puis, le deuxième soir, rebelote, mais cette fois, elle me propose d'aller dans sa chambre. Mm-hmm. Et puis des montages en règle complet quoi. C'est-à-dire attends. Que. Attends Mathieu, t'es pas le dirty talk que je me suis tapé cette année. Et alors c'est-à-dire genre elle était à fond, elle adorait se taper des petits jeunes et elle a tout donné quoi. Ouais, elle a kiffé. Ouais, je pense que je l'ai bien fait kiffer. Ça a bien duré une bonne partie de la nuit, en plusieurs fois évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc vraiment au top quoi. J'ai fait crier quoi, la dame. Il se la raconte. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une fille un peu jeune et une cougar comme ça de 50 piges? Est-ce que t'as vraiment senti une différence? Ouais. Ouais, elles ont pas peur et elles savent quoi. Elles ont un truc en plus. Ouais, c'est vrai, l'assurance. Ouais. Et franchement, ça libère, ça enlève tout problème de confiance ou quoi que ce soit. Enfin, être mis à l'aise, y a pas de souci quoi. Et ça m'a donné encore plus de puissance et j'ai l'impression que j'ai été vraiment plus performant quoi. À refaire, j'ai l'impression alors. Ouais. Ah ouais, si je peux, ouais clairement. Ouais, franchement, en tout cas, on sent qu'il est content. Ouais. Mais il a envie même. Hein. Ouais. On pourrait l'applaudir quand même parce que c'est une belle perf. Hein. Bravo. Ouais, bravo. Merci. Excès d'applaudissements peut-être. Mathieu, on t'embrasse. Merci, bonne soirée. Bisous. Ciao. À toi. Salut. Il y a Marine aussi à Paris. Bonsoir Marine. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Salut Marine. Ça va Marine? Ça va très bien. Bon, contente de t'entendre aussi, tu nous as manqué comme tous les autres. Ah bah vous aussi, vous nous avez manqué. Contente de vous retrouver. Alors est-ce que toi t'as fait une performance sexuelle un peu faux-folle comme ça? Alors oui, puis j'ai surtout réalisé un de mes fantasmes. C'était de le faire dans des toilettes d'un avion. Mais non. Ah si. C'était un long courrier alors, non? Paris-New York. Ouais. Non mais attends, vous avez vu quand même l'espace qu'il y a dans les toilettes d'un avion? C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien du tout. Ah non, ça c'est sûr. Il y a un avion qui est passé. Mais justement, c'est un fantasme. Alors dis-nous, est-ce que c'était ton mec? C'était pas un inconnu, c'était ton chéri? Ah oui, c'était mon chéri. Et alors comment vous êtes organisé? En fait, il savait que c'était un fantasme. Au début, il n'était pas trop chaud. Donc j'ai commencé à le chauffer dans l'avion. Après, ça allait bien, donc il y est parti. Ouais. J'ai attendu de voir qu'il y avait personne et tout ça, que les hôtesses s'en aillent. Et du coup, il m'avait dit, tu toques deux fois, comme ça je sais que c'est toi. Mm-hmm. Et voilà, donc on l'a fait. Mais c'était la position, par exemple, parce que c'est pas pratique. C'était une jambe sur la toilette et l'autre un peu, va vite. Mais du coup, j'ai quand même eu limite un orgasme, donc j'ai un petit peu crié. D'accord. Ah, du coup, vous êtes grillé. Donc, je me sentais un petit peu mal après. Non, je me suis pas fait griller. Ouais. Mais c'est vrai que je suis ressortie, j'ai dû être un petit peu rouge en ayant un peu peur justement qu'il m'ait entendu quoi. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit, mais moi j'ai kiffé. Mais tu sais qu'on en parlait dans une autre émission, mais je crois que les hôtesses de l'air, quand elles voient un couple comme ça qui sont en train d'essayer de faire des câlins dans un avion et qu'elles voient que ça dérange aucun passager sur les côtés, elles laissent faire. Parce que ça fait partie d'un tel fantasme que tu peux pas faire tout le temps. Ouais, c'est vrai. Qu'il laisse les choses se faire, en fait. En même temps, c'est délicat de dire quelque chose. Tu vas pas frapper, dire sortez de là et les afficher devant tout le monde, tu vois. Oui, certes. Donc, belle paire, franchement. Ouais. Marine, bravo. Bravo, ouais, bravo. Merci. Bravo. Les auditeurs, ils ont été meilleurs que nous cet été. Hein. Meilleur que vous, moi, ça va, les gars. Non, t'as même pas pécho d'américain, oui, toi. Oui, ça va. Oh, hé hey. La barbe. La prochaine fois que tu partiras à Angers, tu devras ta barbe. C'est déjà fait depuis longtemps, ça, ma pauvre. Ok, la chaudasse. Marine, on t'embrasse. Bonne soirée. Bisous. On va demander à Pépère quand même. Alors, j'ai un peu peur parce que là, il va être minuit. Il est minuit d'ailleurs, donc on va clôturer là-dessus. Oui. Pépère, est-ce que toi, tu as fait une performance quelconque, un truc de ouf cet été? Pépère, lui, il a fait des gangbangs avec des poulettes tout l'été, hein. On veut tout savoir, mec. Bravo. C'était où? Comment ça s'est passé? Je vous explique. Alors, en fait, c'était dans les poulaillers, avec un coq, avec le poule, avec le poussin et bien sûr avec les petits œufs. Oh, mec. Et voilà. Oh non. C'est pas mal. J'avais oublié qu'il était un peu zoophile aussi, Pépère. Ouais. Pépère, il est tout ce qu'il faut pas être. Oui. D'accord. En revanche, Thibaut, tu peux m'en mettre le bruit de cette poule? Ouais, je peux te remettre le bruit de poule. Mais c'était quoi ça? Elle était malade, non? Ouais, je pense. C'est une poule qui était pas très bien. Attends, faut juste que je la rattrape. Elle a encore mal de pépère. Ouais. Mais juste ça c'est un coq, pas une poule, hein. D'accord. C'est pour ça alors. Ouais. On déconne pas. Bon, il est minuit in. C'était beau. Ouais, c'était canon franchement de passer cette première soirée de cette saison 2 avec vous. Ouais. J'aimerais juste avant qu'on se quitte comme ça, qu'on fasse un petit sondage auprès des petits nouveaux là, Thibaut Alaria. Comment t'as senti quand tu t'es senti dans cette équipe, dans cette nouvelle émission? Je suis trop bien. J'ai l'impression d'avoir de nouveaux copains, pouvoir tout raconter, tout vous dire, voilà. Est-ce que t'es moins stressé qu'au début? Franchement, si je touche mes mains, elles sont toujours moites. Ouais. Donc genre non. Mais tu sais que les gens ont été impressionnés par ta cascade parce que je vous le rappelle, il y a la vidéo sur les réseaux, il peut tomber sur commande et c'est assez impressionnant. Ouais. Ça fait partie de mes talents, ouais. Non, voilà. Mais je vous dis, hein, Thibaut, il y a plein de choses à apprendre de ce garçon, il est une vie riche et chelou. J'aimerais demander aussi à Yannick au standard qui vous a accueilli au 01 42 48 5000 tout ce soir, ça va Yannou ? Eh ben ça super bien et franchement, vous avez les meilleurs auditeurs de France. Oh là là, regarde-le, lui, le pro là, tu sais. Il est au taquet quoi, ça y est, il se les met dans la poche. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on va vous retrouver demain à partir de 22h avec nous tous, hein, Thibaut, Enzo, Amir, moi, Anso, toi, Marion. Mm-hmm. Et puis on aura encore plein de choses à vous raconter comme ça de nos vies. 01 42 48 5000 pour faire de la radio ensemble tous les soirs. On aura d'autres nouveautés à vous présenter, soyez là toute la semaine parce qu'il va y avoir du lourd dans le night show, c'est promis. Ouais, ça va être chambé, toujours des PS4 à gagner. Et puis on se quitte en chanson exactement comme l'année dernière. Oh, ça m'avait manqué. Est-ce qu'on était content d'être là ? Bravo. On était content d'être là ! Merci beaucoup. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Cet été, Fun Radio a booké les meilleurs DJ dance électro. C'est Party Fun sur Fun Radio. Now playing on. Now. EDX en mix. Fun Radio. Fun Radio. EDX en mix. Sur Fun Radio. Kiss. Sur Fun Radio. Fun Radio. EDX. Mix. En exclu dans Party Fun. Sur Fun Radio. Daylight. If you see me, call, it's alright.